Spam. Tic-tac, tic-tac, tell me about me and I want to know. Tell me about me and I would say it's the classical situation of the medium is the message. Tell me about. From spamful to spam. Tell me about. From spamful to spam. Tell me about. It seems to make total sense that the spam, the ham, the problematic processed food somehow is still rumoring inside of these email messages and everything else that we now learn to name a spam. Now we are coming to the most funniest Maintenant, thing. Nous arrivons à la chose la plus marrante in my dans l'email. Email. Hi Bea, being a marketer today is une personne de marketing, c'est un peu plus difficile que trickier than ever before, and being adaptable is key for marketers to be successful in the ever-changing future. Gain cutting-edge lessons on reinventing your brand, planning impactful stories, and launching digital campaigns that raise revenues by 140% by joining the conferences at Marketing Mania, the year's only in-person MarTech event, 6th to 10th December 2020, Dubai World Trade Center. Vraiment. J'ai pensé à cette idée de spam comme une idée des messages non désirés. Je pense que c'est une notion assez sympa de comment imaginer ces messages. I think it's like a nice notion of that, thinking of it as a message that you might not want to receive. C'est un peu un message que tu ne pensais pas avoir envie de recevoir, mais que tu ne savais pas l'existence et que tu reçois quand même. Is really is really is really is really is really in that context, actually, because I feel like, especially now, where like all the work kind of became so much more digital, even. Surtout que le travail devient de plus en plus digital, et ces messages sont de plus en plus importants, mais ils sont vraiment devenus très indésirables pour moi en ce moment. Et c'est un peu le genre de spam que j'ai dans ma vie en ce moment. I was really thinking about these work messages that are like actually very important, I guess, but also they're like very undesired for me at the moment. Actually kind of a spam in my life right now. Et puis surtout, il y a une sorte de responsabilité qui vient avec ces messages du travail. La responsabilité d'y répondre et aussi d'y répondre immédiatement. I mean work, that's like a term, but also the responsibility that comes with us and this like immediacy of the message, like there's like something that can come up and you have to respond to it like the minute. L'instantanéité de l'échange, tu ne peux pas vraiment les ignorer, même si tu en as vraiment envie. Donc dans un sens, c'est comme des opposés du spam, mais pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du concept du spam. And it's like very, yeah, you can't ignore them even though you want to. So it's kind of like, maybe it's like also in like the sense they're like the opposite of spam, but they feel much more to me like I think what this concept of spam actually is like, I don't... Parce que si je reçois le message d'une fille qui a envie de me rencontrer ou le message d'un prince d'Afrique... I get a message about... Qui a de la fortune que je dois aider à... Some woman that wants to meet me or like rich prince from Africa whose fortune I have to help save. That's like much more desired to me at this. Sauver ou à épargner. Ce genre de message serait quand même plus désirable que une nouvelle annonce de deadline. Donc tu ne peux pas ignorer ces messages, même si tu en as envie. Et puis il y a aussi ces conséquences de d'avoir quelque chose d'autre dans sa vie et être ignorant de ces choses-là, ce n'est pas possible pour le moment. Transmission, trans-spamming mission. See, I'm leaving the TV in the background so that you feel really spammed by the sound of the TV. Spam time, spend time. Trans-spamming, trans-spam time, spend time. Spam time, spend time. Don't watch TV, don't watch. Transmission. At this point, then, like, receiving another deadline for the next day. So like you can't ignore these messages even though you want to, and also they have these consequences for everything else in your life. Being ignorant about them is basically not possible. I came across a website recently and I thought that's kind of the source of spam, and it was like this newspaper, this German newspaper Neues Deutschland. Je suis tombé sur un site internet dernièrement et je pense qu'il parlait de l'origine du spam, et cette origine c'est le journal Nouvelle Allemagne. sur ce site internet. The first I encountered to make the data mining on its own website more visible than others, and so you could choose instead of only customize your data mining, how the data is mined from you. You could choose from a list of not less than more than 400 different companies who all use the personal data being on the website of Neues Deutschland. And you could choose each of them and get some information. And each of them to turn off one by one. On peut paramétrer ceux qui vont accéder à tes données. Et du coup, en cliquant là-dessus, j'ai regardé et il y a une liste de 400 différentes compagnies qui peuvent accéder à tes données si tu acceptes l'utilisation des données. Cookies. Et tu peux aller sur la liste de ces 400 entreprises et les choisir une par une et regarder quelles entreprises c'est. Et donc tu peux choisir quelle entreprise aura accès à tes données ou pas. Donc ça commence avec un nombre incalculable de ads. So I went through this list and I thought it's quite interesting and I will read you some of these companies. It starts with 1 million ads. A Mob, Arki, Active Agent, Addition Technologies, Ad Alliance, Adacado Technologies, Adality, Adara Media Unlimited. Surtout dans mes courriers électroniques, mon compte Gmail, je vous assure, il y a des spams qui m'arrivent et il y a des messages indésirables qui me I receive a lot of spam in my Gmail box and a lot of spams that really makes me angry or pisses me off. There is so much of them. And sometimes you try to connect yourself, you see there is a lot of important messages, and when you see it's spam, it really makes me angry. Advertising. Tu vois, il y a des messages, tu te dis peut-être que ce sont des messages importants. Et quand tu tombes sur un spam, ça énerve, quoi, les publicités. Et quand je veux faire un téléchargement, il y a tellement de vidéos, and when you try de to download, there is so much possibilities and there is so much proposition and so much videos that pisses me really off. You have to imagine that here in Congo, you have limited connection and you have to buy your internet access and there is spam here to annoy you, to annoy in your research. Imaginez avec nous ici au Congo de l'internet limité. Alors imaginez que vous achetez votre internet et qu'il y a des spams qui sont là pour déranger vos recherches. C'est ce que je voulais dire. En gros, c'est un peu ça ma réponse. J'espère que cette fois-ci, ma voix, elle peut se faire entendre. And I was going there before, which I didn't do until now, in the spam of the Kutra email. And we have some mails about master Photoshop and Photoshop lessons in Spanish. Then we have some people offering us money and that we want stuff. Ça fait longtemps que j'y étais plus allée en fait. J'y allais souvent avant dans les messages actually, de spam de Kutra. Actually, you know what is weird? I don't want to, even though I know it's nothing bad, I don't want to click on them to discover Magazine. What it is. Et on a quelques emails sur quelques workshops sur Photoshop en espagnol. Puis il y a d'autres personnes qui nous demandent, qui nous offrent de l'argent ou des choses ou des tickets. Mais tu sais ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois que je regarde ces emails, j'ai vraiment pas envie de les ouvrir. J'ai même pas envie de like cliquer now, pour savoir ce que c'est. Like now, even that I'm here and you ask me to look at it, they're all unread, and I don't want to click on them to know what it is. One, it's funny because it's literally called spam. Like that's in the name of the email, spam. No, this one I want to open. Sorry. This message looks dangerous. That's the thing from. Même Google. Maintenant que je suis là et que tu m'as demandé de regarder. Je sais que c'est tous des Android et j'ai pas vraiment de cliquer dessus pour savoir ce que c'est. Un email, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, dans le titre, c'est vraiment littéralement spam. Buona dimineața, spero che tu și familia ta aveți o stare bună de sănătate în acest moment dificil. Vă rugăm să consultați documentul atașat pentru specificațiile primei noastre achiziții de a companie dumneavoastră. Bine că avem și noi companie, nu știam. Și furnizați în scris corespondență, bla bla bla. This is super funny because it's some solicitation of... Donc maintenant, celui-ci, j'ai envie de l'ouvrir, désolé. Ce message a l'air dangereux. Ça, c'est l'annonce de Google. Mais c'est vraiment drôle parce que, littéralement, le titre de l'email, c'est spam. I wish you could see the screen. That was a nice joke. Anyways, yeah, and it's funny because the object of the email is literally spam. Comanda di acquisizione. Add cash, add clear, add colony, add aptor, add defend, Adelo. Add form, addictive. Addition technologies, adjust. Add kernel, add looks. Add Ludio, add man interactive. At Maxim. The strangest mail I ever got was regarding a Mercedes-Benz car. Actually, I don't know how it happened, but once I just Googled, you know, about some information and Le truc le plus étrange qui m'est arrivé dernièrement, c'est que j'ai reçu un message concernant une voiture. Je sais pas vraiment comment c'est arrivé. J'ai cherché sur Google et puis une annonce pour une voiture vraiment fascinante a juste popé devant moi. Du coup, j'ai cliqué. Very fascinating car popped up. So I just clicked and I was going through that information and all. So later on, after one day or something, I got a mail regarding this car. Dessus. Et puis quelques jours après, j'ai reçu un email concernant cette voiture. Ça me disait, voilà, cette voiture, elle est à tel ou tel prix. Mais bon, je n'aurais même jamais assez d'argent pour acheter cette voiture, même si je vendais toutes mes propriétés. So which was saying that, you know, which it costs around 1 crore or something, which I can't even afford, you know, even if I work for, like, even if I sell my all property here. Et puis après, quelques temps après, j'ai reçu un mail vraiment étrange qui me disait comment faire pour acquérir et pour emprunter de l'argent, cet argent, exactement la somme pour acheter la voiture. But what happened was, later on, after that, I got even a mail adding to that, you know, how to mortgage my house and, you know, how to get, you know, available for that loan. This is the strangest mail I ever got. They make me so many offers, but till now, no one win me for a credit. Ah, j'ai reçu tellement de messages de banques qui voulaient me donner de l'argent, mais pour le moment, aucune ne m'a vraiment intéressé. I have a business proposal. Pour le moment, j'ai une proposition d'un manager pour un crédit. With a private company. I also have an anti-terrorist message from Monetary Crime Division. J'ai aussi un message d'une organisation antiterroriste, la division des crimes monétaires, Washington. À Washington. Certaines personnes ont essayé de me vendre some people that are trying to sell me some quelques accessoires de natation et leur nom c'est Pro Swimmer. The name is Pro Swimmer. At Mado Technologies, at Metrics, at Mixer EU, Adobe Advertising, Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform, at Rule Mobile, at Spirit, at Square, at Sets, at Swiz, at Telligent, at Theorent, at Triba, at Triba GmbH, Advanced Store, Adventury, at Verline, at YouLike, AffiliNet, Agoff, Daily Campaigns, Campaign Facts. And when I read only the name of this email, this spam email. Dans cet email de spam, je me suis sentie comme quelqu'un de tellement important, puisque tout le monde voudrait essayer de me tuer, et c'est pour ça que j'ai désespérément besoin d'une assurance de vie. I feel that I'm so important person, and everyone want to kill me. For that, I need so bad to make death insurance. Et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé personne qui veut ma mort. Donc je ressens pas le besoin de faire cette assurance vie. But till now, I didn't find anyone want to kill me. So I feel that there is no need to make this death insurance. AffiliNet, Agoff, Daily Campaign Facts, Agoff Studies, Akame, Amazon Advertising, Amobi, IMP Projects, Anna Lights. I'm going in my spam folder. It's not called spam. On my phone it's called junk. Je vais dans mon dossier de spam, qui ne s'appelle pas spam en fait, sur mon téléphone. Ça s'appelle poubelle, corbeille. Tu sais, il y a vraiment une différence entre indeed, la spam, you know, et la there poubelle. Is difference between spam and junk, because these emails are really junk. Parce que ces emails, c'est vraiment de la poubelle. Je vais juste lire le premier. Depuis le lockdown, depuis le confinement, j'ai trouvé de nouveaux des nouveaux passe-temps. Says since the lockdown, I found new entertainment. Check it out. Control. Onca. Avid Media. Upset Systems. Avon. Pixel Springer. Azerion Holding. B. Bannerflow, Banner Now, Patch Media, BDSK Handles, GmbH, Beachfront Media, Beam Ray, Peace Voxel O Corporation, Baboon, Bit Genius, BitSwitch, BitTelect, BitTheater, Bliss Media Limited, Blue Billywig, Blue Summit, Bombora, Booking, Bose, Bounce Exchange, Bright Pool, Box Sense, Bundestag, Butler GmbH. Spam. Every second, there is passing. That's the simplest way to arrive to the majority. I am part of this group majority. I don't want to leave. Il est très simple de faire partie de la majorité. Je fais partie de ce groupe majoritaire. Je ne veux pas partir. Mon corps, mon âme, my soul, mon esprit, mon magnifique my être, mind, my gorgeous human being to be manipulated by the society. Humain, être manipulé par la société. On sait tous que la vie, c'est politique. Mais pour moi, la politique, ça ne veut pas dire mentir. Ça ne veut pas dire l'anxiété. We all know that ça ne rime pas avec anxiété. Ça ne veut pas dire manipulation. Not meaning lying. Antisociabilité. It's not ça ne meaning veut pas dire anxiety. Masse, it's not meaning manipulation or antisociability or, I don't know, mass destructions or burnt brains. Really, for me, my life without this, it will be better. It will be more clean and clear. It will be more powerful. It will be more freedom. It will be more knowledge. It will be more freedom. It will be more powerful. It will be more freedom. It will be more powerful. It will be more freedom. It will be more powerful. More knowledge. More powerful. More knowledge. It will be more powerful. More powerful. More powerful. More powerful. More powerful. More powerful. More powerful. More powerful. More. And more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more and more. C'est que le spam nous entraîne dans le côté sombre. Puisque le spam me donne des informations. Des informations que tu as besoin. But one aspect that you're probably missing out. It is that the spam, it is going us temps, to the dark side. Because spam is giving you information, some information that you need. But most of the time, they are sending us information that we don't need. Nous n'avons pas besoin de ces informations. We don't need. This information, on en a pas because besoin. We don't on need this information, because besoin. We don't need this information, because we don't pas need, besoin. We don't need, we don't need this information, we don't need this information, we don't need, because we don't need this information, we don't need this information, we don't need, because we don't need this information. On n'a pas assez de place dans nos valises. We don't have enough space in our storage. Dans nos sacs à dos. In dans our nos suitcases. Dans nos backpacks. Mémoire. Dans nos mémoires. In our storage, in our memory, in our dans inside, notre, in our life cloud storage of information, in our human drive. Dans notre drive humain. But mais a place où il y a les choses les plus importantes. There is the most important thing. It is your heart. Tu n'as pas assez de place dans ton cœur pour ça. Tu n'as pas assez de place dans ton cœur pour toutes ces informations que tu ne peux pas recevoir. You don't have enough space in your heart. Tu n'as pas. For all the information that you can receive. You don't have. Spam. Believe me. Putain spam. T'as l'impression de spam. Spam, spam, I think according spam. To me, spam is any information which is irrelevant, unwanted. Je pense que pour moi, le spam, c'est une information irrelevante, non voulue, et qui est partagée. And that is being shared among, you know, a lot of people. Avec un nombre incalculable de personnes, sans même avoir leur consentement without ou even la their connaissance. Knowledge or permission. Can be called a spam. What is a spam? What is a spam in my life? I would say lately I haven't had much spamming in my life. Mais ce que je peux dire dernièrement, c'est que tu vois, je laisse la télé fonctionner en arrière-plan, comme ça tu te sens un peu spammé par le son de la télé. Definitely in the top three, I would say. Ok, définitivement dans mon top 3, je dirais marcher dans une crotte de chien dans la rue. So that you ça, je dirais really que c'est vraiment une énorme intrusion. Et... So, definitely in the top 3, I would say walking on a dog turd in the street. Vraiment quelque chose de non volontaire. Une intrusion dans ma vie quotidienne, dans ma routine et dans mon rythme. I think that's a huge intrusion, in unwanted, let's say, intrusion into my daily routine and rhythm. Bon, mes spams, c'est vraiment ceux d'une personne très privilégiée. Donc, ne t'attends pas à quelque chose de très dramatique, vraiment. Vraiment, marcher dans une crotte, c'est vraiment le truc le plus terrible qui peut m'arriver. Okay, my spams are really like of a privileged person. So don't expect anything dramatic really. So walking on a turd is as bad as it gets. Ou je dirais aussi me réveiller et ne pas trouver du café dans la maison. Then I would say yeah, waking up not finding any coffee in the house. I think of these small unrequested suggestions or opinions. Je pense à ces petites opinions ou ces petites réflexions qu'on n'a pas voulu. C'est comme prétendre qu'elles sont rien. They just pretend that they are nothing. Elles sont tellement génériques. Like generic, but somehow they just enter in your mind. You just internalize it. You don't notice at that moment. But then suddenly this comes and it comes in a bigger and more significant way. Mais d'une certaine manière, elles entrent dans ta vie et tu les internalises. Ou même tu ne les remarques pas. Et puis à un moment, elles deviennent plus présentes et plus signifiantes. And I was also thinking about these spams that you get from your own family when you were being raised and growing. You really don't have any idea that these are there, like the messages elles on our. Elles prennent de l'ampleur, elles grossissent. Et je pense aussi à ces spams que tu hérites de ta famille ou. Je pense aussi à ces spams qui interviennent dans ta famille et avec lesquels tu as été éduqué, avec lesquels tu as grandi, et tu n'as aucune idée que ces spams sont là. Tu ne les considères pas comme des spams, et puis après, tu te rends compte que tu as plein de messages que tu n'as pas remarqués. Ils s'accumulent et tu ne les remarques pas, et puis une fois que tu les remarques, tu as un millier de messages qui sont restés sans notification. Maintenant, pour retourner à cette idée de comportement internalisé, qui tu es censé être, et cette espèce de comparaison qu'on fait sans cesse, je viens juste de réaliser que j'ai vraiment beaucoup de ces genres de spam en moi quand je suis allée en thérapie. Or spam, like I never check them, and when you see it, you have like 1,000 messages that you never notice. And then coming back to this idea of internalized notions of behavior, especially about who you were supposed to be or these comparisons that pour moi, c'était we are doing fou all the time with our mom. Tout ce travail très difficile pour les éliminer, un peu comme ces logiciels qui cherchent les trojans, les chevals de Troie, trouver ces espèces de bugs qui se sont introduits et puis finalement tout est cassé et puis ça fait pa pa pa pa pa. Les fenêtres pop-up n'arrêtent pas de s'ouvrir et puis après au final tu dois juste faire avec. For example, I just realized that I had like lots of this type of spam on me when I was in therapy. Doing like psychoanalysis. Putin spam. So for me it was crazy. Like have now all of this hard work to eliminate spam, them. Like this Trojan app, bugs that just enter and you don't realize and then everything is broken and like this pop-up thing spam is coming and then like you just have to deal with it. It's nothing. You say nothing, spam. Spam in my life is people talking too much. Le spam de ma vie, c'est les personnes qui parlent trop. The worst kind are those who need attention no matter what. So they grab your attention by starting to talk without having thought about what they wanted to say or how to say it. That sounds strange, but I can think of three people in my life who are like that. Les pires sont ceux qui ont besoin d'attention. Donc, ils attirent ton attention, ils te prennent ton attention en commençant à parler, avant même de savoir ce qu'ils ont envie de dire. Ça paraît bizarre, mais je pense à trois personnes dans ma vie qui sont un peu comme people ça. People who think of themselves as charming and entertaining, although when I'm politely giving them my attention over and over again. Toutes ces personnes qui s'imaginent être super charmantes et amusantes, même si à chaque fois que je leur donne vraiment de façon juste polie mon attention, je finis vraiment déçue. I'm always disappointed and bored. Ou juste ennuyée. It's like spam. Comme des spams, puisque ça... Because it's directed at me, but it's all about them. Ça m'est destiné, mais c'est finalement que à propos d'eux. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Écoute-moi. En plus, je me suis demandé de plus sur le spam, parce que, en effet, je crois que je ne suis pas vraiment arrivé à en penser assez, parce que je crois que le spam... I thought about the spam, but I didn't manage to really... La dernière fois, c'était une liste assez technique, j'ai trouvé assez étouffante, mais... En fait, je crois que plutôt je suis la victime du spam, de mon propre spam. Think about it, really. The last time it was kind of a discussion, really technical, and then I found it really suffocating. But mostly I think I'm the victim of my own spam, my self-spam. I'm not really sure about what it means, really, but I think that it's in a way procrastinating, but in a way ought not really procrastinating, but in a kind of... auto-spamming myself all the time. Je suis pas tellement sûr exactement ce que ça veut dire en fait, mais je crois que en fait je crois que c'est une sorte de procrastination dans une certaine façon, mais en plus non, en fait c'est pas vraiment de la procrastination, c'est une sorte de je me auto-spam tout le temps, alors que j'ai des idées que involonté, insollicité, et en fait, je ne sais pas ce que faire avec ça. Et ça me vient presque tout le temps, mais assez souvent. Par exemple, c'était la dernière fois que je regardais par la fenêtre, et jusqu'au moment que je regardais par la fenêtre, il y avait je ne sais même pas le mot en français, qui était dans l'air. I always have ideas that I don't want, that I didn't solicit, but I really don't know what to do with them. And it comes to me like really all the time or really often. And I remember one day I was looking at the window and there was this thing, I don't know even the word in French, but she was in the sky and I was absolutely fascinating. But it was nothing. It was only spam, a sort of spam. Et j'étais absolument fasciné. Mais c'était rien. C'était seulement du spam, une sorte de spam. Je t'embrasse. Sometimes it's an accumulation of really, really tiny things. Sometimes it's not even what people say, but it's a body language. Des fois, c'est une accumulation de vraiment de toutes petites choses. C'est même pas forcément ce que les gens disent, mais ça peut être du langage corporel. Et j'ai commencé à réfléchir ce que ces choses veulent dire pour moi, ces micro-agressions. So then I started to think what that does mean to me, these micro-aggressions. And it's not only sexists. Aspect. It's also, for example, if somebody says something racist, for example, or in any way like discriminating people, I feel offended too. Pas seulement sur un aspect sexiste, mais quelque chose de raciste, par exemple. Des fois, quand il y a des gens qui discriminent, je me sens vraiment aussi offensée. Des fois, c'est vraiment à la limite de ce qui est encore tolérable ou non, mais quand ça s'accumule, ça me vole de l'énergie. J'ai l'impression d'être qu'on me dérobe de l'énergie. Parce qu'après, je me sens vraiment comme une poubelle et il faut que je m'assoie et que je réfléchisse. But if it's like really, sometimes it's on the border of is it still okay or no. But if those things accumulate, I feel that robs me of energy, right? Because then afterwards, I'm like with the garbage and I have to digest it and work and see how to get rid of it and all that. But so I think... De comment digérer et comment quoi faire avec ça. Des fois, c'est juste l'accumulation de plein de petites choses. Des fois, c'est même pas ce que les gens disent, mais c'est juste le langage corporel. Et j'ai commencé à réfléchir ce que ça voulait dire pour moi, toutes ces micro-agressions. C'est pas forcément juste à propos du sexisme. Mais c'est aussi si, par exemple, quelqu'un dit quelque chose de raciste, par exemple. Quand quelqu'un d'autre, je me sens vraiment offensée aussi. Des fois, c'est des choses qui sont dites et qui sont à la limite du tolérable. C'est des choses, mais qui, en fait, une fois accumulées, j'ai l'impression que ces choses me volent de l'énergie. Parce qu'après ça, je me sens vraiment, vraiment comme une poubelle. These microaggressions, which I would call spam, there are those where something is inflicted on me. Be it like a commentary or people making jokes, saying ha ha, and I feel it's like at my expense or at expense of women generally or of people of color or so forth. So that's one aspect, things being inflicted on me. But what I also would say is spam is when people deprive me of something, right? So sometimes they add things I didn't ask for. But sometimes when people deprive you, that can also be spam, and that can be in very subtle ways sometimes. Et j'ai besoin de digérer et de faire un travail pour essayer de me débarrasser de tout ça. Je dirais que voilà, ces petites micro-agressions que je pourrais dire, c'est du spam parce que c'est des choses qui sont infligées sur moi, comme des commentaires ou des blagues, sûrement à mon dépens, ou des fois aux dépens de femmes en général, ou de personnes de couleur. C'est un de ces aspects, ces choses qui sont infligées sur moi. Mais je pense aussi que c'est du spam quand quelqu'un me prive de quelque chose. Parce que des fois, ils ajoutent des choses que je n'aurais pas demandé. Donc des fois, quand les gens te privent de quelque chose, ça peut aussi être du spam. On peut aussi te priver de quelque chose, mais d'une manière aussi subtile. For example, I was remembering I once was at a philosophy conference, which I co-organized. By the way, there were like 90% men, and then in one of the recesses, guys were standing in a circle, and I was approaching them, and they wouldn't let me into the circle. Right, and that happened many times. You know, these kinds of occlusionary body language. That's a subtle thing too. For example, people not greeting you, not saying hi, although they know you. That's not necessarily only men. That can be women too. Well, women can be sexist as well, right? So. Je me souviens la dernière fois, j'étais à une conférence de philosophie que j'ai co-organisée, mais il y avait 90% d'hommes, et il y avait un de ces hommes qui était au milieu d'un cercle, et je me souviens. Ils m'ont même pas laissé entrer dans le cercle. Et ça, ça arrive assez souvent. C'est arrivé tellement de fois. Vous savez, ce genre de langage corporel inclusif, exclusif, ce genre de langage corporel qui t'exclut, c'est aussi quelque chose de très subtil. Par exemple, les personnes qui ne te saluent pas ou qui ne te disent pas bonjour. Et c'est pas forcément que des hommes. Ça peut être aussi des femmes. Et puis, les femmes peuvent être sexistes aussi. Donc dans un sens, c'était cette espèce de privation. Donc je dirais même cette espèce de privation dans la reconnaissance. Donc je dirais cette espèce de refus de reconnaissance. C'est quelque chose que je considérerais comme du spam aussi. But so I would say this kind of deprivation of, in a wider sense of recognition, is something which I would consider spam too. Like... Et par le spam immatériel, ça peut aussi, parce que j'ai vu qu'il a posé cette question, que c'est quoi le spam immatériel, au moins que je n'ai pas compris dans la société. Mais ça peut être aussi tous les comportements qu'on peut subir. So about immaterial spam, because she also saw that you asked this question about what immaterial spam would be. Basically in society, it can be all these different behaviors that we have to... that are forced on us. Imagine un peu ce qui se passe avec l'internet aujourd'hui. Pour nous africains, ce qui se passe un peu avec l'internet, avec toute cette histoire de sex tape et tous les restes. Pour ma culture, c'est un gros spam. Parce que tu le veilles ou pas, ça s'impose. Les gens le voient, même nos enfants qui ont accès à l'internet, ils arrivent à voir ça. Thinking maybe also about like what's happening with the internet at the moment for us Africans, what happens with the internet with all these stories about sex tapes and all that. For her culture, it's a huge spam because these things are imposing themselves even our children like through the internet. It just you see it even sometimes you don't want to see it. Because it happened, it arrives with the internet. Maintenant, ça, c'est aussi le truc matériel, tout cet ensemble de comportements, de choix que les gens font et qui viennent s'imposer sur toi. et que tu n'as pas choisi dans la société. But these things are also in some ways material, all these behaviors to get taken together on the choices of people that are imposing themselves on you and that you didn't choose in society. Coutume, culture, principe de tel ou tel autre tribu. Or in different cities. Principe de tel ou tel autre choice de vie. Tant que c'est pas un choix et que c'est quelque chose que tu subis en ce moment-là, and in this moment, c'est une forme matérielle d'un spam. It becomes a material spam. Not allowing you the participation which you think you should have in that situation, in that given situation. And then maybe even on a more general level as well, there's this kind of social stinginess or avarice, you say, like sozialer Geiz, that I feel it's probably something universal, but as I also lived in other countries, it seems to me partly a German thing and maybe partly a bourgeois thing. I feel that it has to do with class too, that people, for example, if you speak, for example, in philosophy or in academic discourses, if you're with people, it's not so often that people get really enthusiastic and they say, I love what you just said, you know, that's great. Je vais pas t'autoriser la participation que tu penses que tu devrais avoir dans une situation donnée, et même peut-être à un niveau plus général. Il y a ce genre d'avarice sociale. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'universel, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez universel. Mais comme j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose de très allemand et sûrement partiellement quelque chose de très bourgeois. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a à voir avec les questions de classe. But they will always, even if they find interesting what you wrote or what you said at that, you know, talk or presentation or whatever, they will say, yes, but, you know, why didn't you? Or, you know, didn't already Plato say this? Or this is not really something new, you know. Or they will get into this not taking you seriously. Then again, this gender bias comes into play, you know, saying, yeah, yeah, but do you really know what you're talking about? And so forth, you know. So there is this the social stinginess, which is a way of spam too. So that's one aspect. And then there's also another aspect, which I would say is spam, which has to do with overstepping boundaries. Par exemple, si tu es dans une situation d'un discours philosophique ou académique, c'est très rare que les gens deviennent très enthousiastes et qu'elles viennent en te disant « J'adore ce que tu fais, c'est vraiment génial !» Mais ils vont vraiment toujours, même s'ils trouvent ce que tu as dit vraiment intéressant, enfin ce que tu as dit, ou ce que tu as écrit, ou ce que tu as présenté, ils vont dire « Oui, mais pourquoi tu n'as pas plutôt dit ça, ou ça ?» Ou « Tu n'as pas dit quelque chose de nouveau ?» Et ils vont venir à ne pas te prendre au sérieux, et de nouveau, il y a ces genres de billets genrés qui se mettent en place, et puis ils font « Oui, oui, mais est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles ?» Et donc il y a cette espèce d'avarice sociale qui est dans un sens du spam aussi. Donc ça c'est un aspect. Mais il y a aussi cet autre aspect que je dirais c'est du spam. C'est par exemple si les personnes ne vont pas respecter les barrières, mes barrières. Donc, par exemple, il y a quelque chose que j'ai souvent observé, c'est que les personnes viennent pour me parler, pour se plaindre en fait d'autres personnes. Et ils ne peuvent plus s'arrêter, et puis ils sont dans cette espèce de cercle vicieux, et puis c'est... Right, when people don't respect my boundaries, this can be in private conversations. So one aspect, something I noticed is that maybe one figure or something which I repeatedly observed is that people, for example, they speak to me and start complaining about other people, for example, but they can't stop and they are in these loops, you know, and they say, oh, my girlfriend always, maybe I know those people for months or years, you know, and I go, well, why don't you do something about it? Or why don't you find somebody else or separate yourself or so, right? Oh, ma petite copine, elle n'arrête pas de faire... Ou mon mari, il n'arrête pas de... Mais du coup, pourquoi tu fais pas quelque chose pour ça? Pourquoi tu n'agis pas? Ou tu trouves quelqu'un d'autre? Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi à voir avec ce genre, cette espèce d'avarice sociale, où que les personnes n'osent pas justement s'exprimer. Ils gardent beaucoup de choses pour eux-mêmes, à l'intérieur d'eux. Peut-être à cause de la peur ou à cause de l'avarice. Et puis, du coup, ils vont voir une personne pour parler d'une autre personne, au lieu de parler à cette personne directement. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le spam. And I think this has to do also with this social stinginess and maybe with a lack of courage that people don't really speak up, but you know they all keep it to themselves out of fear, out of stinginess, and so, and then they complain with other people about other people instead of addressing it directly. And I find this really also a spam thing. Every second there is passing, every second that is passing, every second there is passing, every second there is passing, every second there is. Toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent, toutes les secondes qui passent. Every second that is passing, every second that is passing, every second there is passing, every second there is passing, every second there is. And then maybe that's the last aspect. There is also, which also has to do with this overstepping boundaries, that sometimes people, instead of really saying directly what they need or what they want, they make this twisted turns and things with you and say, oh, wouldn't you really like to do this? Or instead of saying, I'm sad or I'm angry that you haven't called me for a month. Et puis ce dernier aspect, peut-être, qui a aussi à voir avec la transgression des barrières d'une certaine manière, ces personnes qui, au lieu de te dire vraiment et réellement ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ont besoin, ils vont tourner ces phrases et puis ils le tournent comme ça. Mais est-ce que toi, t'as pas envie de faire ça? Ou au lieu de dire tout simplement, ben, je suis triste ou fâchée que tu n'aies pas appelé, au lieu de dire, je suis triste ou fâchée que tu n'aies pas appelé pendant des mois. Ou je suis vraiment inquiète, c'est possible que tu sois malade, ou est-ce que tu as eu un problème, puisque j'ai pas eu de nouvelles de toi. Donc voilà, cette espèce de chose passive-agressive. Donc c'est en fait comme une espèce de voile d'empathie que l'on met sur un reproche. Au lieu de te dire simplement je suis triste ou fâchée, ou là là là, ils vont essayer de te prendre et de t'influencer dans des nouveaux. They say, well, I'm really worried. Could it be that you're sick or do you have a problem? Because I haven't heard of you. You know, so there's this passive-aggressive thing. Et des fois, c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment être très attentif pour ne pas être impliqué dans ces jeux. Et moi, je dois vraiment. Sometimes veiled as if it would be some sort of empathy, but really it's a reproach or something. But instead of saying that, you know, saying, you know, I'm angry, I'm sad, and this, blah, blah, they twist you into things, and then you get in this whole mingled, entangled where you don't know. Sometimes it's really difficult to, you have to be super attentive not to get involved in those games. And that makes me, I have to really invest a lot of energy in doing that, which I would prefer to invest in other things. So that's spam too. Too much. Spam in my life is people talking too much. I'm always disappointed and bored. Too much. It's like spam. Spam. Too much. It's like spam. Investir beaucoup de temps et d'énergie à faire ça, alors que je préférerais faire d'autres choses avec ce temps. Donc yeah, ça, c'est du spam think aussi, about pour moi. Spam when it's not like in connection to like the email kind of spam that. Je pense toujours au spam like avec une connexion avec les emails, le genre d'email de spam. C'est un peu le terme générique pour ce genre de choses et ce que les gens associent à ce mot. Le mot spam, mais l'origine du mot spam, c'était cette espèce d'étrange viande en boîte. The word immediately where this term spam is coming from, it's like this weird like processed meat that's in like a can. That's basically, I don't even know if it's, yeah, what it is. It's like some meat kind of paste or block of pressed skin-toned stuff, basically. Qui est préfabriqué. Je sais même pas vraiment ce que c'est. Comme un genre de bloc de chair compressée. C'est un peu un genre de produit anglais ou américain. It's kind of un genre de British viande de bœuf. Or American British product, like corned beef or something like that. I read somewhere that this is like where this term spam came from. It was like a sketch by Monty Python that where they... Je crois que j'ai lu quelque part que c'est l'origine du mot spam. C'était genre dans un sketch des Monty Python où ils ont tellement utilisé ce mot qu'au final, il a été dénué de son sens. Et je pense que c'est d'après cette interprétation que nos emails spam... They like just overuse this word so much that it just becomes meaningless in a way, so that's... I guess it's one of the interpretations of how emails, spam emails, got that name. What do you feel is a spam in your life? Click on it. You have clicked on it. You have clicked bugs on that you enter have and you don't realize. You have clicked bugs that enter click and on you it don't realize. Because you clicked on it. Bugs because that enter and you don't realize. You bugs that enter and you don't realize. I think that is spam bugs in your body. Like that is literally shitty realize. Stuff that is bugs not relevant for your life and is still realize. Bothering you because of some system that puts this mechanism in place. Bugs that enter and you don't realize. Spam. And I always thought that the word spam is quite interesting, and I always thought it's an acronym for something. Automatically delivered mail. Unsolicited. Automatically delivered mail. J'ai toujours pensé que le mot spam, c'était un mot intéressant. Mais j'ai toujours aussi pensé que c'était l'acronyme pour quelque chose. Un genre de, d'acronyme pour mail envoyé automatiquement. Des emails automatiques non voulus. Quelque chose comme ça. Il y a toujours ce genre de bam, spam. J'étais vraiment intéressé d'apprendre qu'en fait, spam, ça a été introduit. Spam was introduced 1937 by an American butcher of German origins who developed something to sell and transport pork meat. And that's the moment where he developed... En 1937, j'étais très surpris de savoir et d'apprendre que en fait, le mot spam a été introduit en 1937 par un boucher américain d'origine allemande qui a inventé un moyen de vendre et de transporter de la viande de porc. Et c'est à ce moment-là qu'il a développé spicy du coup le porc épicé. Oh, no, I think it's spiced. Ham. Spiced ham. By the way, this is purely Wikipedia. Huh? So it's spiced ham which turned to spam. Au fait, c'est vraiment juste du Wikipédia. Donc c'est ce jambon épicé qui devient le spam. C'est une marque gigantesque et tu en as sûrement déjà it's mangé. It's a giant thing, a brand you probably ate it already. I did, without knowing that it probably wasn't, it was a copy. It was a regular copy of spiced en tout cas, moi ham. J'en ai mangé sans vraiment savoir que c'était sûrement une copie du spam. Une copie de ce jambon épicé. Et donc cette espèce de viande en boîte qui est devenue vraiment très populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était transporté par les troupes américaines dans des millions de conserves. So it's this canned meat that became very popular during the Second World War because it was transported to the US troops in billions of cans. So that's the story of spam. That's got spam in it. It hasn't got as much spam in it as spam, egg, sausage and spam, has it? Could you do me egg, bacon, spam and sausage without the spam then? Yeah! What do you mean, I don't like spam. Spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam. And I have encountered this in like a funny way because it's like I had a Korean roommate and when I was living in London and there was this like she would always make this like j'avais un colocataire coréen quand je vivais à Londres. Il avait l'habitude de faire cette espèce de bouillon coréen et c'était vraiment très bon et c'était vraiment avec plein d'ingrédients coréens comme le kimchi ou avec des légumes. C'était avec plein de légumes et avec des choses comme ça mais aussi de la viande hachée et de la sauce au poisson et des choses comme ça. Mais il y avait aussi ce spam Korean à l'intérieur. Stew, and it's like really nice, it has all these like Korean ingredients like kimchi and all sorts of different vegetables and stuff like that, and like minced meat and fish sauce and stuff like that. But it also has this like spam in it, which is like... qui est vraiment cette espèce de d'ingrédient très spécial. Je crois qu'en fait ça s'appelle un genre un bouillon de l'armée dans en coréen. Quand tu le traduis. Et puis, c'est en fait quand les soldats américains ont quitté les bases sud-coréennes. Et ça, c'est devenu comme une sorte de bouillon, une sorte de plat pour... I think it's called like an army stew in the Korean translation. And it comes from like when the US left the South Korean bases. It's kind of like every stew, it's like a... Les gens pauvres. C'était comme une espèce de, d'anecdote... intéressante sur l'impérialisme, en fait. Et puis, je vois vraiment la connexion avec aussi les mails et l'Internet. Et cette genre de diffusion qui, d'une certaine façon, est aussi très forcée par l'Occident. C'est une histoire très intéressante au sein de l'impérialisme, que je vois aussi connectée à comment l'Internet et les emails et ces genres de choses se spreadent à travers le monde, d'une façon qui est aussi très forcée par l'Ouest. Or what do you call the West? Delete. When I was Asha, when I was thinking about spam, I was thinking about patriarchy and the patriarchal elements that come towards us, and the value of spam was the thing that Quand je dois penser au spam, je pense vraiment au patriarcat et tous ces éléments patriarcaux qui s'imposent à nous. Et la valeur du spam, c'est... Il y a ces éléments qui viennent à notre rencontre et en fait, on ne peut pas comprendre ces choses si on ne va pas dans la boîte de spam. Ils sont d'une certaine manière cachés, mais quand tu t'y rends, tu te rends compte à quel point ce n'est pas comme des déchets. Parce que les déchets, c'est quelque chose que tu jettes et les spams, c'est quelque chose qui vient à ton encontre. Peu importe ce que tu fais. Free flow, că nu mi-e neapărat că acum... Oh, fiera foarte bine. Eu aș da asta. Eu aș da să lui Esmia. Cred că ar aprecia și momentul ăsta. Deci, patriarchy. Ok, patriarchy was... There are some elements that are coming towards us and we don't actually understand them since if we don't go to the spam... Box. Donc tu as besoin d'aller là-bas. Tu as besoin de t'y rendre et de nettoyer cette espèce de dossier de spam. Donc, d'une certaine façon plutôt métaphorique, Kutra, c'est des actions qu'on essaie de mettre en pratique et on va essayer d'effacer le dossier de spam de la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Kind of hidden, but whenever you're going there by because you want to do to go, you see how much it's not trash because trash is something that you throw away. But it's something that comes toward you no matter what you do. So you from yes. that time you have to go there and clean the spam folder. Yeah, so maybe Kutra it's somehow in a way, metaphorical way, a thing, an action. It's putting an action into practice that we are going to erase the spam folder of the patriarchal society we are living in. Je trouve ça intéressant ou plutôt vraiment important. Generally speaking, women or girls are raised not to take space, not to be aggressive. D'une manière générale, que les filles ou les femmes sont élevées pour ne pas prendre de place, pour ne pas être agressives, pour ne pas parler fort, pour ne pas parler tout court, tout ça. Et c'est une double difficulté. It's a double difficulty because you have to overcome your own socialization and to do that in a way in which you not again inflict violence on you, right? By forcing you into doing something which you don't feel, which doesn't feel right to you. So I completely agree that it is very important to have groups in which women or girls can speak with each other and empower themselves by... For example, by experiencing, oh, okay, this isn't just my individual private problem that I have, but it's a problem, something is wrong, and it's not my fault. And it has to do with the structure, with structural hierarchies, with power structures, with structural violence. Donc il faut, en fait, surmonter sa propre socialisation et le faire d'une certaine façon où tu vas pas t'infliger à nouveau une violence envers soi-même en te forçant à faire quelque chose avec laquelle tu ne te sens pas bien. Donc je suis complètement d'accord qu'il faut avoir des groupes où les filles et les femmes peuvent être ensemble et parler et se donner de la force en par exemple se disant « Oh, c'est quelque chose que moi seule, je ne vis pas seulement. » Je comprends vraiment l'importance d'avoir ce genre de groupe où les femmes et les filles peuvent parler ensemble, se donner du pouvoir par exemple, en partageant des vécus et en se disant que ce n'est pas forcément un problème que moi seule, individuellement, je rencontre. Et pouvoir se dire que ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qui a à voir avec la structure, hiérarchique. Les structures de pouvoir ou les structures de violence. So, being in a group of girlfriends or women or girls can be very important and empowering by sharing it and by, as with the Me Too movement, for example, and then to politicize it. But my experience has been when I was younger, oh my God, how many hours and nights I spent speaking with girlfriends, for example, about our boyfriends. How much time we took in trying to decipher what he might have meant by calling or not calling, or I'm speaking like beginning of the 20s or in the, you know, maybe even later, but I'm not proud of that. But so, and I think it has this is just one aspect, right? Because we are talking about our fathers and how we don't feel recognized by it. I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. Donc vraiment être dans un groupe de femmes, de filles, d'amis peut être vraiment important et donner de la force par le partage. Ce que par exemple le mouvement MeToo a pu faire et surtout de politiser cette pensée. Mais d'une certaine façon aussi, quand j'étais plus jeune, quand je repense à toutes ces heures que j'ai passées en étant avec des amis, oh mon Dieu, on a parlé tellement d'heures et de nuits avec des amis, seulement en parlant de, par exemple, notre petit copain. Combien de temps on a passé à essayer de déchiffrer qu'est-ce qu'il a voulu dire en appelant, en ne pas appelant. Je parle au niveau de début des années 2000, peut-être un peu plus tard. Bon, ça c'est aussi juste un aspect, puisqu'on a aussi parlé de nos pères et comment on ne se sent pas reconnu par eux et da-da-da-da. Donc il y a vraiment un aspect de force et de partage de la force dans cette pratique, mais il y a aussi une manière, c'est aussi peut-être une manière de prolonger les injustices structurelles. Et quand je repense à toutes les heures qu'on a passées à faire ça, j'aurais pu vraiment passer mon temps à apprendre un autre langage, une autre langue, ou apprendre un nouvel instrument. Et puis, quand on compare, vraiment, les garçons que je connais, ils parlent pas vraiment de ces sentiments, en tout cas, majoritairement pas. Et les garçons qui ont pas vraiment parlé de ça, ils parlent en fait de machines et de gimmicks, qu'est-ce qu'ils feront en fait. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie qui passe là-dedans. Et en fait, on se spamme mutuellement. Donc des fois, ça peut s'apparenter à un plaisir coupable, mais c'est aussi une manière de prolonger. C'est aussi une manière de prolonger ces structures dans lesquelles on est, dans lesquelles nous sommes. Mais des fois, c'est un peu comme ces personnes que je connais qui racontent la même histoire. Et je leur dis, mais c'est bon, passe à autre chose et surtout, ne me spamme pas. Et des fois aussi, quand tu dois gérer des conversations, le plus difficile, c'est d'aller au cœur du problème, en fait. Puisque aussi longtemps que tu maintiens cette espèce de complainte, comme par exemple, il y a des gens qui se plaignent à propos de leur chef, mais ils n'ont pas vraiment le courage de confronter leur patron. Delay email production. Plus yes, Are you hard yet? And there is an empowering aspect to that, but there is also an aspect which might prolong the structural injustice. Sometimes I thought all those hours I spent doing that, I could have learned another language. I could easily have learned another instrument, right? And the guys who didn't talk about that, they didn't talk about their feelings with their, for example, the men I know, you know, very few of them. They talked about machines and gimmicks and what they were doing and stuff. So a lot of energy goes into that. So that's, we are spamming each other, and that can be like guilty pleasures, but it's a way sometimes to prolong the structures we are in. Sometimes when I think about this, when people speak in loops, you know, and I know people who for years tell the same story. I say, get out of it, you know, get out of it. Don't spam me. And also sometimes when you are in those conversations, the difficulty lies in getting to the core of the problem. Because as long as you maintain the complaining, or other people complain about their boss, but they don't take up the courage to speak to the boss. They don't take up the courage to say to the father or to whatever, you know, or to a woman, this and that. Mi pupi se no se no no no no no. XX RT in my weekend. Come MMMNCTXXXXC to see my no se XXX. BBB touch. Brot. Brot. TTTTT. Waschmittel, Trauben, Tahini. Ou d'affronter leur père, de parler avec leur père, de parler à leur patron, ou quoi que ce soit d'autre, une femme, ou ça. D'une certaine façon, tu continues dans d'une manière à maintenir le statu quo. Donc d'une certaine façon, tu es en train de paralyser ces structures de pouvoir en maintenant cette boucle, sans pouvoir en sortir. Et en fait, c'est compliqué d'accéder à un niveau plus profond. Et d'une certaine façon, c'est compliqué d'accéder à un niveau plus profond, de dire « Ok, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Parlons de la colère, parlons de la douleur, parlons de la tristesse. Qu'est-ce qui fait mal ? Allons-y, allons là-bas, rentrons là-dedans. Et puis, cherchons à trouver si quelque chose de nouveau apparaît, ou quelque chose dont on peut se servir pour avoir du pouvoir, pour se donner de la force, pour vraiment adresser le problème. » Donc ce qui peut être vraiment compliqué, je le conçois, mais c'est là où j'aimerais faire une différence. So in a way, you are contributing to a situation in which you secure the status quo. So you are, in a way, you are stabilizing the power structures by maintaining in those loop circles and not getting out of it. It's very difficult to say, okay, let's get like a level deeper. You know, what's behind this? Let's talk about the anger. Let's talk about the grief. Let's talk about the sadness and what hurts and let's go there, you know, and then see if something new comes up, something which can empower us then to really address, which can be really difficult. But so you see, I would like to make a difference there. Yes. Moi, je suis une artiste rappeuse, slameuse, et je fais de la performance artistique. Si je choisis de devenir artiste engagée, c'est aussi pour soulever au-delà de notre petite société, ce que je trouve que les autres doivent savoir. Ce qui est resté pendant longtemps un non-dit, que cela soit dévoilé. Comme je l'ai dit, il y a toujours les deux aspects de la chose. Me, I am a rapper and a slammer, and I'm into artistic performances. I happen to have become an engaged artist. It's also because she wants to bring up, even beyond our small society, what I think others should know. To say things that have been something not to say for a very long time. So every artist and every person has their own strong points. And so every person also has to decide for themselves how, what their method can be. L'aspect positif est comme l'aspect négatif. Donc pour moi, la seule et grande méthode que je peux utiliser, c'est à travers mon art. Donc pour moi, ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, ça peut être un son, un audio, ça peut être même beaucoup de bouts de presse comme ça, que je rassemble pour faire passer un message dans une performance. Mais chaque artiste, chaque personne a son point fort et chaque personne est mieux appropriée pour savoir comment, quelle est la méthode que moi je peux utiliser pour que les gens voient ou écoutent ou sachent en rapport avec toute forme de spam. So that people, so methods so that the message can, like the message about all these different spams can get through. I also thought about, of course, all these things in society that are annoying. At the same time, I didn't think about this action of deleting them. Je pense aussi à toutes ces choses dans la société qui sont vraiment agaçantes, mais en même temps, je n'ai jamais réfléchi à cette action de les effacer. Donc pour moi, quelque chose qui est l'ordre du spam, c'est une chose avec laquelle je peux vivre avec sans savoir. C'est beaucoup d'informations, de contenus, de systèmes et de situations qui nous arrivent dans la vie. Mais comme mon cerveau sait que c'est des spams, ça n'a pas vraiment d'importance dans ma vie. Je peux justement les ignorer, faire comme j'ignore. Je peux même justement ne pas m'ennuyer à... Je m'ennuie même pas à essayer de confronter ces choses. So for me, what in my mind was spam is like something that I can go through life ignoring. Like, it's a lot of information and content and systems and situations that are happening in life. But because my brain knows it's spam, it's not relevant for my life, I can be like, ignore. You know, I don't even bother engaging nice with it. Nice start. Bye. B check. Bye. But, and for me, this is like a lot of mainstream culture or a lot of things even that I know I politically disagree with, or I should put, sometimes I feel guilty because I feel I should put energy into fighting this or be informed, national politics or party politics. For me, in my mind, it's spam, you know, like because I engage politically in other ways and I don't care about following what this party leader did, or like even when I turn on the news in Italy, I don't care about half of the things that are being told there. For me, it's spam. And it's content that I know that if I will engage with, it will just bother me and take a lot of my energy and vitality and, I don't know, emotional charge into things I don't care about. Et pour moi, ça a beaucoup à voir avec la culture mainstream. Beaucoup de choses avec lesquelles je sais je suis politiquement pas d'accord. Et des fois, je me sens coupable parce que je me dis que je devrais plutôt mettre de l'énergie à combattre ces choses. Et que je devrais plutôt m'investir dans des partis politiques ou à des politiques nationales. Donc pour moi, dans mon esprit, c'est du spam, puisque je suis engagée politiquement d'une autre manière. Et ça m'est égal de suivre en fait ce que le parti en tête ou le parti leader fait. Et quand j'allume la télé, je regarde les nouvelles de l'Italie, souvent, et je m'en fous vraiment de ce que fait le parti politique leader. Pour moi, c'est du spam. Et je sais que c'est du contenu, si avec lequel je m'engage, ça va juste m'énerver et me prendre beaucoup d'énergie et de temps et de vitalité. Je sais pas, une charge émotionnelle dans des choses que vraiment je m'en fiche. Ce n'est pas vraiment que je trouve que c'est pas important, mais je choisis en fait de mettre mon énergie dans quelque chose d'autre. Et comme ça, je peux traverser la vie sans être vraiment indisposée par ça, même si ça existe et ça impacte ma vie. Mais en fait, je sais pas vraiment parce que le thème du spam, c'est vraiment large. Tu peux parler de millions de choses en même temps. Mais c'est ce genre de matériel qui est pas sollicité. Tu n'as pas demandé, mais ça vient. Quand tu as des spams dans tes emails, tu vas quand même dans la boîte de spam pour les supprimer. But not that I don't care because I think they're stupid necessarily. It's just like I choose to focus my energy somewhere else and I can move through life kind of unbothered by them even though they exist and they impact me. But I don't know, because the spam topic is like pretty broad and you can talk about like million things at the same time. But it's this kind of material which is unsolicited, like you don't ask for it, but it's still coming. Yeah, when you have the spam in your email, you still go there because you know you have to delete it. So you still get in contact with this. This can be applied to a lot from patriarchal structures, from mainstream culture and so on, so this can be applied to a lot of things. But I mean, I think you can, what you're saying, Ali, of course you cannot engage with everything, you know, we would go crazy. So you know that it exists there, but you don't engage with it and you don't think it's useless. I was wondering, you know, when, because I was thinking about this, first of all, the spam folder in emails, even though I, of course, I can relate to spam in metaphorical and analogical ways. What about these things that appear, go in the spam? Sometimes it's very important, like contracts, opportunities. Are they, how can we manage them, like, in this metaphorical way? Completely spam. Je me auto-spam, proper spam, non-proper spam. Spam time. Je me auto-spam proper spam. Mon proper spam. Spam time. Mon proper spam. Spam time. Je me auto-spam proper spam. Mon proper spam. Spam time. Spam time. Spam proper time. Proper spam. Mon proper spam. Donc tu as quand même des contacts avec eux. Et ça, ça peut s'appliquer à plein de choses. Des structures patriarcales aux structures promues par la culture mainstream. Donc vraiment, oui, ça peut s'appliquer à plein de choses. Et oui, je comprends ce que tu dis. Bien sûr, tu peux pas vraiment t'engager avec toutes ces choses. Tu peux pas vraiment t'engager avec toutes ces choses. Tu sais, sinon tu deviendrais fou. Mais bien sûr, tu peux pas être impliqué avec tout. Sinon tu deviendrais fou. Tu sais que ça existe quelque part, mais t'es pas vraiment engagé par ça. Pense pas que c'est inutile. La première fois que je me suis imaginé le mot spam, j'ai directement pensé aux emails. Même si bien sûr, je peux vraiment me référer au spam d'une façon métaphorique. Mais qu'est-ce que c'est ces choses qui apparaissent et qui, du coup, vont dans le spam? Parce que des fois, c'est des choses très importantes, comme des contrats, des opportunités. Comment est-ce qu'on peut entreprendre ces choses d'une façon métaphorique? Oui, en fait, c'est ça ce que j'imagine en parlant du filtre. Cette espèce de filtre dans la vie, que je choisis de pas me l'impliquer dans quelque chose et du coup, je le considère immédiatement comme un spam. Mais peut-être en faisant ça, je suis en train de manquer quelque chose. Et donc, du coup, c'est un système qui a des manquements. Un peu comme tous les systèmes, mais c'est quand même un système. C'est un système d'engagement dans la réalité. Mais en fait, c'est une sélection ce que tu fais. Tu es en train de sélectionner ce dans quoi tu aimerais être impliqué. Et puis, vraiment, oui, on va toujours manquer quelque chose. On va toujours avoir peur, cette peur du manquement. Mais vraiment, c'est complètement du spam. Parce que je ferais vraiment ça. Des fois, de temps en temps, je vais aller voir dans les spams. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai dans la tête, que je garde en tête constamment. D'une façon politique aussi. Bien sûr, j'en comprends la valeur pratique, et le système l'a fait comme ça. Mais de temps en temps, en fait, les choses qui apparaissent dans le spam, disons-le, dans nos sociétés, enfin, la société dans laquelle on essaye de vivre, c'est des fois d'aller dans ce dossier de spam, et de voir s'il y a quelque chose qui est là-dedans, qui s'est mis dans le spam, mais peut-être que des fois c'est des choses vraiment importantes, et qui ont atterri dans la poubelle. Yeah, I think that's the thing with the filter I was saying, because I set a filter in my life and I choose to not engage with some things that I read immediately as spam. But by doing this, maybe I'm missing something that's... But it's not... I think it's a system that has holes, like every system, but it's still a system of engaging with reality. I mean, it's a selection you're doing. You're selecting what you want to engage with. Yeah. And of course, we will always miss something, or we will always think that something we will miss. But truly, it's completely spam. Because I have this in mind, you know. I always go see from time to time if something is in the spam. So it's something that I always keep in my mind, also in like political ways and so stuff like this. Like sometimes I feel like it's a kind of a. Of course, I understand the practical value of it. And the system made like this, but so from time to time I feel like for me these things that appear in the spam is because, let's say in this system that we are trying to generate here now, like ideally it's from time to time to go to the spam folder of our thoughts and see if there are some things that we just put them there as spam just because we thought this is the things that are really important and really, or maybe that's the trash folder. Yeah? Très intéressant. Parce que j'étais vraiment en train d'aller vraiment profondément dans la metaphor. I was thinking about I was going very deep in the metaphor about the subconscious and trauma you suppress and. Mais j'aimerais savoir si tu connais l'histoire du spam. Like est-ce que tu sais l'origine de ce mot? Tu sais d'où ça vient? Non, je sais pas. Et toi? C'est un mot qui vient... No, I don't know. En do fait, you? C'est dans un sketch des Monty Python, et c'est à propos d'un restaurant qui a du spam dans presque tous ses plats. Et du coup, il y a un viking qui arrête pas de dire spam d'une façon très agaçante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a un viking qui arrête pas de répéter spam d'une façon très agaçante. Super! Oh, j'avais aucune idée. J'aime trop les Monty Python. Et ça s'est passé en 1970? Ouais, oui. Et en plus, ça s'est passé dans les années 70. Et en fait, peut-être que c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de l'utiliser, mais on sait pas vraiment d'où ça vient. C'est pas vraiment obligatoire d'en savoir l'origine, mais je trouve que c'est rigolo. Tu peux recevoir un message. Tu l'aimeras peut-être. Spam comes after a Monty Python sketch about a restaurant that has spam in almost every dish. and where Vikings annoyingly sing spam over and over again. Oh, wow. Great. So that's so good. I had no idea. I love Monty Python. Yes, and this happened in 1917. Yeah, I thought maybe it's interesting because we keep using it, but we don't know like the origin. Yeah, bravo, Nico. I mean, it's not absolutely mandatory to know origin of everything, but yeah, I think you can receive a message. You may like it. Tic tac. You may not like it. Tic tac. Tic tic tac. It can be useful for you. 2:44 PM. But it can be also warning message. Useless. 1A 19 GK 000 ID PD delayed. 48 hours. C'est un message spam. Warning. Message delayed. 72 hours. Oh, tu n'es pas effrayé par read this. It's a spam notification. Tu sais ce que c'est, le spam pour moi? It's Black a spam Friday. Message. It's a spam message in your email. It's coming from sure. Ah. Oh, you are not ça scared about spam. B. Ça you know what means spam for me? A. Ça vient de l'aptitude. S is coming from social. Et M, ça P, vient de la manipulation. It's coming from political. Tu sais ce que ça veut dire, le spam, pour moi? A, it's coming from ability. S, and M, it's coming from manipulation. P, so the entire description A, of this word, et M, c'est pour manipulation. It is socio-political ability of manipulation. C'est sociopolitical ability of manipulation. Sociopolitical ability of manipulation. Now, looking through your real email. Like them, no, I like these spams. I like them, no, I like these spams. I like them, no. Okay, spam. Okay. Spams, I like them. I like these spams. I like them. I like these spams. I like them. I'm sitting at my desk. I ought to work to concentrate on the deadline, but I'm not able to because my body constantly sends messages like, please, I want to be touched, or please, I want to touch, or please move me, or please let me scream. Please let me sing. Please, vibration, please. Je suis assise à mon bureau. Je m'apprête à travailler, à me concentrer. J'essaie de travailler. De me concentrer sur la deadline. Mais j'en suis pas capable. Puisque mon corps m'envoie constamment des messages. Des messages comme, s'il te plaît, je veux être touché. Yeah, I actually thought of these kind of desires. Je pense à ces moving, désirs de vibrating, vibrer, touching, de bouger, de toucher. And that these et ceci, are c'est les... The et ceci, c'est les perturbations. In daily life, et je pense, or at least et j'ai l'impression, I feel... ou plutôt... And je I pense think qu'en fait, la société regards, voit ses désirs comme des sortes yeah, de spam. Et j'ai le sentiment, je pense que la société spams, considère ses désirs comme des spams, routine, comme quelque chose qui perturbe flow, la routine quotidienne, la mouvance hand, du travail, qui perturbe le travail. Kind et en même temps, very, quand je me sens spammée par ce yeah, genre de sentiments, desires, ce genre de désirs, much, qui sont souvent concentrés dans un petit moment, dans un moment. Du coup, en fait, la vie quotidienne entière devient un spam, avec cette demande d'être fonctionnel, de travailler, de faire quelque chose d'utile. Et ça veut dire pour la société dans laquelle nous vivons, de contribuer à cette espèce de circulation. To contribute to the circulation of capitalism, to contribute to production and consumption. La circulation du capitalisme, de contribuer à cette dynamique de production et de consommation. Je reçois ces messages de mon corps vraiment souvent et je me sens souvent incapable de communiquer entre cette routine quotidienne, cette fonctionnalité de la routine, ces moments de désir qui apparaissent. And I'm always incapable to communicate between this functioning in daily life, the routine of my daily life, and et elles sont là, criant, suppliant, de manière très forte. Mais il se passerait quoi si je suis ces spams? Peut-être que je serais juste incapable de revenir à ma vie quotidienne. Peut-être que je resterais coincée dans ce moment de vibrance, de toucher. The moment of desire which just rushes in and is screaming and begging very loudly. But what would happen if I follow these spams? Maybe I will be unable to go back into daily life. Maybe I will stay with these moments of my vibrating, moving, singing, touching longings. That's too dangerous. Or is it even possible to think that? That one could stay in these moments and be unable to go back into daily life, to really extend these moments. The Austrian writer Ingeborg Bachmann is discussing this question actually very consequently and very precisely in her audio play Der gute Gott von Manhattan, the good God of Manhattan, which was broadcast in the German radio at the end of the 50s. And it discusses this desire to stay in the moment with a love story. Yeah, because I guess that falling in love is some of the biggest spams and some of the most disturbing, the most strong disturbing of a daily routine, or it can be, because it's so much connected to longing. Le chant, c'est beaucoup trop dangereux. Ou même, est-ce que c'est vraiment possible de penser et de rester dans ce moment? Ne pas être capable de retourner dans la routine et dans le quotidien, d'étendre ces moments. L'auteur autrichienne Ingeborg Bachmann réfléchit vraiment conséquemment à ces questions et de manière assez précise dans toutes ses pièces. Le bon Dieu de Manhattan, qui a été diffusé sur la radio allemande à la fin des années 50. Et ça parle de ce désir de rester dans le moment, dans l'instant, mais dans le cadre des histoires d'amour. Parce que je pense que tomber amoureux, c'est l'un des plus grands spams. C'est la perturbation la plus grande et la plus intense du quotidien. Parce que c'est tellement connecté à l'appartenance, et c'est tellement irrationnel. Et c'est exactement ces sentiments que Bachmann essaie de discuter dans cette pièce, quand elle décrit ces deux personnes qui, en fait, se rencontrent dans le métro, à New York. Et c'est tous les deux des étrangers dans la ville. Donc ils décident de traîner ensemble, de sortir, d'aller dîner ensemble et de passer une soirée ensemble. Donc ils passent la nuit ensemble, et puis une autre nuit, dans une autre chambre d'hôtel, encore une nuit, un autre verre. Et en fait, ils refusent de retourner à leur vie quotidienne, à leur routine, à leurs devoirs. Ils refusent même en fait de revenir aux autres relations. Et en fait, ce que Bachmann décrit dans sa pièce, c'est comment deux personnes vivent en fait cette espèce de relation excessive, jour après jour, nuit après nuit, et ils se retrouvent à parcourir un alphabet de dépendance, d'attraction, de destruction. Ils savent que c'est vraiment juste cet instant. Ils essayent, en fait, de se séparer du juste, de s'accrocher au moment le plus longtemps possible. Maintenant que je le dis, ça semble un peu banal, mais en fait, cette appartenance, elle est vraiment existentielle. Et c'est vraiment pas du tout cette espèce de douce vision de l'amour. C'est pas ce que Bachmann décrit ici. Mais dans cette pièce, elle essaie de suivre les traces du désir. Et c'est un peu à la trace de la perte. Et pas vraiment dans son sens romantique. C'est pas nous contre le monde. Peut-être qu'à la fin, si, quand même, c'est nous contre le monde. Mais c'est pas un nous. Mais c'est plutôt à propos du désir de ces deux personnes qui combattent contre leur routine quotidienne, peut-être. Et bien sûr, ben, ça finit dans une destruction totale. Mais il y a un petit espoir, une toute petite utopie de se demander comment ce serait. Qu'est-ce que ça ferait de pouvoir étendre un moment, le moment, étendre le spam. And it's also so irrational, and that is what Bachmann discusses in this Hörspiel, where she describes two persons, they run into each other in the central station in New York, and they are both strangers in the city, and they start to hang out, they decide to go for dinner together, they spend one evening, they spend one night, and then they decide for another night in another hotel room, another night, another drink, and they don't want to split up, they just refuse to go back to their daily life routines, to their duties, to also they refuse to go back to their social, other relationships they have. And so Bachmann describes in this play how this two persons celebrate a very excessive relationship day by day, night by night, and they really run through an alphabet of dependency, attraction, destruction. They know it is just the moment, and they try to get rid of this just. They try to stick to the moment as long as possible, which maybe when I now tell this seems to be a bit banal, but this longing is very existential, and it's not at all the soft romantic version of love Bachmann describes here, but she, with this play, she really consequently follows the traces of desire, which is also a trace to get lost, not in the romantic sense of let us we against the world, but in the end, yes, it is a bit like this we against the world, but it's not a we. It's about the desire of these two persons to, against the daily routine maybe. And of course, it ends up in a total destruction. But there is a slight hope, or there is a slight utopia of how would it be if you could extend the moment and, extend these spamming. There is many spam in my life, and the most funniest one, I feel that when I am studying something or thinking about really a subject, or I read something and I have to concentrate 100%, then suddenly my mind come and said to me, do you remember the song when we were at from 3 or 4 years ago, when we were in the station and there is someone putting a music and it was so bad? Vraiment beaucoup de spam dans ma vie. Mais en fait, le plus rigolo, c'est quand j'ai besoin en fait d'étudier quelque chose, de lire, de me concentrer et d'être à 100% dans ce que je fais. Mon esprit me dit, est-ce que tu te souviens de ce moment dans cette gare où on a entendu cette musique, de cette musique là, qui était vraiment énervante? Est-ce que tu te souviens des paroles? Tu te souviens, il y a 3 ou 4 ans, cette chanson, quand on était dans la gare, et puis il y avait quelqu'un qui a mis cette musique. Tu te souviens des paroles et des mots? Et du coup, mon esprit s'arrête instantanément de faire ce que j'étais en train de faire et n'arrive qu'à se concentrer uniquement sur les stupides paroles de cette chanson. Ça, c'est un peu ce que les spams dans ma vie sont. Des fois, je suis tellement en colère et c'est des situations tellement sérieuses. Et puis, quelqu'un vient en face de moi avec, je sais pas, son enfant ou son chien, et en fait, cet enfant, il fait un mouvement stupide, et du coup, ça me fait rire. Alors que dans la même situation, bah, j'étais tellement en colère. Et puis, du coup, je devais être vraiment tellement sérieuse. Et en fait, je commençais à rire. Do you remember the lyrics and the word? Then my mind stopped from the, what I do. And it started to remember only what the word from this stupid music or song. This is one of the spam in my life, or when I'm so angry and there is so serious situation, and suddenly someone crossed the street with his child or his dog, and the dog or the child making a stupid movement, and it make me laugh. Even I was even in the same situation, I was so angry and I have to be so serious. But I started to laugh. I agree with you that sometimes, you know, it's spam when people take on a position and then I arrogantly think, well, yes, I'm over that for 20 years now and I have to listen to that again. Oui. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut être du spam, en fait, quand ces personnes occupent une position et vraiment, ils pensent de façon très arrogante, « Oh, je fais ça depuis 20 ans maintenant. » J'ai pas besoin de travailler là-dessus et j'ai pas besoin d'écouter ça encore. And sometimes I tell people, you know, do your homework. Last week a guy asked me, oh, my daughter, you know, says that I'm a chauvinist and that I'm a macho and I don't know why she says that. You know, and you as a philosopher and probably a feminist, you know, what can you tell me about it, you know? And then in a joking manner, I said to him, look, the internet is full of wonderful information. Do your homework. You know, as a good feminist, I have to tell you, it's not my job to give you like the extra lessons because it's a lot of work. I did and do it yourself. Then afterwards, I told him, I sent him some links via mail anyway. You know, I thought, so I'm ambivalent in that. Et des fois, j'ai envie de dire à ces personnes, mais fais tes devoirs. Une fois, il y a un type qui est venu vers moi et qui m'a dit « Oh, hier, ma fille m'a dit que je suis un chauvin et un macho. » Je sais pas pourquoi elle dit ça. Et puis, toi, tu es une philosophe et une féministe. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Et en fait, d'une façon un peu amusante, je lui ai dit « Regarde, l'internet est rempli d'informations très intéressantes. Fais tes devoirs. » Du coup, ouais, en tant que féministe, c'est vraiment à moi de te dire « C'est pas mon travail de te donner toutes les clés. » En tant que bonne féministe, vraiment, je dois te dire que c'est pas mon travail de te donner toutes les bonnes leçons, parce que c'est vraiment du travail, quoi. C'est beaucoup de travail. Fais-le toi-même. Et puis au final, après, ben, je lui envoie quelques mails avec des liens. Et puis c'est vrai que d'une certaine façon, je suis un peu ambivalente là-dedans. Oui, d'une certaine façon, pour moi, c'est déjà un peu du spam. Et puis tu m'as posé la question, quel spam j'aime ou qu'est-ce que serait un bon spam? Et en fait, tu sais, je suis aussi sur Facebook. Et des fois, enfin, la plupart du temps, je me dis quelle perte de temps, mais d'une certaine façon, je suis aussi un peu addict à ça. J'ai un peu une addiction. Yes, so I think that's a way of spam. But you have asked me also if there is a spam which I like or good spam or something like that. Et peut-être les addictions, c'est un peu comme du spam, comme par exemple regarder encore une fois Six Feet Under, la série, et la binge watcher. Il y a plein de trucs que je veux faire ou que je dois faire, mais je les fais pas, pendant même des heures. Et c'est un peu ce genre de spam, plaisir coupable, que je dois vraiment confesser. I was thinking, because I'm on Facebook too, and I sometimes think, what a waste of time, but still, it's an addiction, you know? Something like that. Or maybe addictions generally are a little bit like spam, right? Like, for example, right now, I'm watching again Six Feet Under, the series, and we binge watch it. And there are a lot of things which I want to do and have to do, but I don't do them and I do this for hours. And so there's like these, you know, guilty pleasure spams, which, yeah, I confess, I enjoy very much. Actually, I really like the approach without knowing anything further about en fait, j'aime beaucoup l'approche de vraiment de rien savoir au préalable sur ça. Il n'y a pas vraiment de spam pour moi. Parce que forcément, quand tu vis dans une vie artistique. There is no spam to me. I really like that because obviously if you live an artistic life or something, you are somehow able to transform most of the things that you put your attention to into something that is unique. And then it's the opposite of spam, obviously. Parce que forcément, avec une certaine vision artistique, tu arrives à transformer en fait toutes les choses sur lesquelles tu portes ton attention dans quelque chose d'unique. Et donc du coup, ça devient l'opposé du spam, vraiment. Donc cette espèce de discussion à propos de la surcharge d'information. Donc en fait, un peu cette discussion sur la surcharge d'information, c'est un peu des airs d'apitoiement pour moi. Je sais pas, c'est un peu... On est un peu dans une situation où on est submergé par un tas d'informations, so, de spam. This talk about the information overload also, all the time, to me, has a bit this air of self-pity. You know, kind of, I don't know, it's somehow it's a bit lame, I think. You know, obviously, we are... in a situation where we overwhelmed by too much information, so spam in a way. Mais seulement si tu les interprètes de cette façon. Parce que tu pourrais aussi te dire qu'en fait, on est dans une situation historique où il faudrait essayer. Et peut-être la façon de s'adapter, c'est de trouver des catégories sur toutes ces choses dans lesquelles j'ai pas d'intérêt, ou les choses par lesquelles je me sens un peu intimidée, pour ces choses par lesquelles je me sens intimidée. Parce que tu pourrais très bien éteindre ton téléphone ou ton appareil, if you interpret it that way, but then you could also say, yeah, well, this is, so to say, the historical situation and we have to adapt to it. And the way to adapt to it definitely is not to invent a general category of everything that I'm just, you know, not interested in or feel intimidated by at the moment, because you can just switch off your devices. J'ai pas vraiment quelque chose concrètement contre les spams, parce que j'aime bien les surprises. En fait, si je vais recevoir quelque chose dans mon dossier de spam dans lequel je vais être même un minimum intéressé, je vais vraiment être contente. I don't have something clearly against spam because I like surprises. So for me, if I would receive stuff in the spam folder that would be mildly interesting, I would be happy to have it. Le seul problème, c'est que en fait, je reçois vraiment que des informations pas importantes. Donc du coup, je les ignore. La plupart du temps. The only problem is that I only get irrelevant information, so that's why I kind of ignore it most of the times. Et donc du coup, en fait, j'y retourne peut-être une fois par mois pour peut-être voir si je trouve quelque chose de, au moins, de rigolo. Et pour la partie dans les spams des emails, je sais pas à quel point tu veux être métaphysique. Qu'est-ce que tu pourrais me guider un peu sur quel genre de spam je pourrais parler? But yeah, I check it once a month or something like that to see if there's anything, I don't know, at least funny in there. And apart from email spam, I don't know how metaphysical you want to get with the question. Can you please lead me a little bit? What kind of other spam do you refer to? Can a spam be cute? Like, for example, does it have to be something that is not pleasing? Est-ce qu'un spam, ça peut être mignon? Est-ce que ça doit vraiment être quelque chose qui n'est pas vraiment attirant? Parce que, dans un sens, ça a tellement cette connotation négative, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les spams devraient aussi s'approprier leur autonomie. Why does it have such a negative connotation? No? What do you think about that? I feel like spams should also like claim their autonomy and right to be cute and leur droit d'être mignon, leur droit d'apporter de la joie dans ta vie. Par exemple, j'imagine aussi des bruits que les gens font que des fois d'autres vont considérer comme des spams, mais que moi je vais considérer comme mignon. Par exemple, je pense au moment où j'ai laissé ma vie dans ma maison et puis le chat arrive et puis il fait miaou miaou. Ou par exemple quand il y a un vendeur de rue qui crie dans la rue. Moi, je trouve ça mignon. C'est des spams acceptables. Un peu comme les oiseaux qui chient un peu partout. C'est la vie. And bring joy to your life. I'm thinking, you know, about some noises, for example, that some people might consider spam, but I think they are very cute, like when I am talking, when I am, you know, living my life in my house and the cat comes and just like meow, meow. Or when there's like a street vendor yelling on the street what he's selling. I think that's cute. But these are acceptable spams, you know, like bird poop here and there. It's cute, it's life. No, I like these spams. I think maybe the opposite of spam is, I don't know if it's exactly the opposite, I think I like the surprise, the surprise moment of spam. It's like, you're not waiting for it. Quand je pense à l'opposé des spams, like if you think again, c'est pas vraiment si c'est l'opposé. Kind of email spam. I think getting like a very like desired message or something like a very like. Mais le moment surprise du spam, tu l'attends pas et ça vient juste à toi. Est-ce que c'est vraiment l'opposé? Mais j'aime les surprises et il y a vraiment le moment surprise du spam. Tu l'attends vraiment pas et en fait ça vient à toi. Quand tu y repenses un peu, c'est comme cette espèce d'email de spam. Un peu trouver ces messages que tu désires. Changes your perspective is like a really. That could be like a really nice opposite of spam. Un message qui te trouve au bon moment. Et j'aime bien, je trouve que c'est un bon opposé du spam. Mais je sais pas vraiment quel genre de message ça pourrait être. Une invitation pour faire quelque chose que t'as toujours eu envie de faire. Je sais pas. I don't know what kind of message that would be actually. Or an invitation to do something that you always wanted to do out of nowhere. I don't know, that's very wishful thinking, but. Actually, look, I have something from somebody, who, I don't know, who wants to teach me how to level up the serotonin in my brain. Ah, wow. And as we talked about the dopamine and the serotonin and other, I forget the endorphins in our brains are literally like opposites. So whenever endorphins and serotonin are up, the dopamine is down. Bon, regarde. J'ai quelque chose de quelqu'un que je connais pas qui veut m'apprendre à augmenter le niveau de sérotonine dans mon cerveau. Et en fait, quand on parlait de la dopamine, en fait, la dopamine et la sérotonine et d'autres choses. En fait, la dopamine et la sérotonine, c'est un peu comme des opposés. Un peu comme si la sérotonine et la dopamine sont... Donc à chaque fois que la sérotonine et l'endorphine sont en haut, la dopamine est en bas. Donc regarde dans le spam pour trouver ta sérotonine. En fait, j'ai vraiment que un spam dans ma boîte mail parce qu'en fait, je les supprime en fait vraiment de façon attentive chaque semaine. So look in the spam and find your serotonin. Amazing. Amazing. Okay, I have only one spam in my email because I carefully delete them weekly, kind of. And mine is called Cu să gheață parbriz? Am extins oferta până vineri. Să ții parbriz. Funny. I have more and I have a lot of people asking me if I want to submit to their academic journal, but of course they're all super dodgy and they're not. Et le mien, ça s'appelle... J'en ai un peu plus. Et en fait, j'en ai beaucoup qui me demandent en fait de s'abonner à leur journal académique. Mais bon, bien sûr, c'est tous des robots, c'est pas des vraies personnes. Après, j'ai aussi des sites, un peu des sites pour les sextoys ou du porno. Mais genre de site porno en fait féministe où tu peux payer. En fait, bon, après, tous les pornos devraient être payants. Bon, j'ai pas vraiment envie de faire de la pub pour elle en disant son nom parce que je l'aime plus trop maintenant. And then I have some sites of sex toys and porn, like, you know, kind of feminist porn, the one you pay for. I mean, all porn you should pay for, but this is like this. I didn't want to make advertising for her by saying the name because I don't like her anymore, but... Donc ils me disent qu'en fait, ils ont quelques offres et en fait... et puis c'est un peu drôle parce que c'est l'un après l'autre. Est-ce que tu veux jouer Happy Sex Toy Day? Joyeux jour du sex toy. Et c'est un peu... Ma chère, est-ce que tu veux faire partie du voyage éditeur? Et en fait, c'est vraiment amusant parce que du coup, ils sont l'un après l'autre. Donc un, c'est vraiment, ok ma chère, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe éditoriale pour ce journal? Et après, c'est... Donc, en fait, c'est vraiment drôle parce que du coup, c'est l'un après l'autre. C'est, And they are telling me they have some offers. One is titled, Erika Lass, do you like to play Happy Sex Toy Day? D'abord, est-ce que tu veux jouer Joyeux Jour du Sex Toy? Et après, c'est, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe éditoriale pour ce journal? Et après, le suivant, c'est... Donc, en fait, vraiment, basiquement, je suis vraiment une académicienne excitée. And one is called... And so it's funny because it's one after the other. Do you like to play Happy Sex Toy Day? And then, dear, invitation to submit papers and join the editorial board. And then that one after, join the hunt for €3 adult film. So basically, I'm a horny academic. What do you feel is spam in your life? Qu'est-ce que tu ressens comme du spam dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens comme du spam dans ta vie? Quand je pense au vrai spam, à la réalité du spam, c'est quelque chose qui est invisible, mais qui est là. Et ça a son propre espace. Quand je pense à la réalité du spam, j'imagine quelque chose d'invisible, mais qui est quand même quelque part là, comme un potentiel. Ça a son propre espace. Et j'ai vraiment appris en plus qu'il y a vraiment des gens spéciaux qui font ce travail. Ok, so, what do you feel is spam in your life, Özge? Et ils s'appellent les spammers, c'était vraiment intéressant pour moi. Of the real spam, it is something invisible, but it is somewhere there as a potential. And it has its own space. And I also learned that there are special people doing this job, and they called spammers, which was interesting for me. It is also something you can delete, but you can never get rid of it from the beginning. C'est quand même aussi toujours quelque chose que tu peux supprimer, mais tu peux pas être vraiment débarrassé de ça dès le début. Donc en fait, on peut pas vraiment s'en débarrasser, et on peut pas vraiment être libéré de ça. À part si, en fait, on résiste et du coup, s'organise contre le système. Pour prendre le spam comme une métaphore, en fait, toute l'idée de la nation, c'est un spam pour moi. C'est quelque chose que je peux pas vraiment éviter. So we are not totally free of it unless we resist and take ourselves out of the system. So taking the spam as a metaphor, I see... For example, the whole nation idea is a spam for me. Et qui est toujours là. Et mon identité est d'une certaine manière formée à partir de ça. Et même si ça n'est pas vraiment voulu la plupart du temps, je peux pas vraiment y résister de façon effective. Je peux pas me produire en dehors de ça, même si je le voudrais. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de sortir de ça de façon entièrement? Pas vraiment. Something I cannot avoid. That is always there as my identity is somehow shaped after it. And even if it is unwanted most of the time, I cannot resist it effectively and I cannot pull myself out of it, although I want to. Is there any way to get out of it entirely? Not really. And the second point is that spamming is not something which is happening in modern digital world. This is not just a modern phenomenon. Le deuxième point, c'est que le spam, c'est pas quelque chose qui a lieu dans le monde moderne. It's been happening with us way long before the internet came in. Because if we consider the time period before internet, our lives have been spammed through various, you know, conventional ways, through various religious institutions. C'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène nouveau ou moderne. C'est quelque chose qui nous arrivait vraiment depuis longtemps, même avant que l'internet soit né. Même avant la période internet, nos vies ont été vraiment remplies de spam et de façon vraiment très variée, de façon conventionnelle par les elle a été spammée par les institutions religieuses. Through various rituals and through various, you know, traditions. Par des rituels variés et par des dérisions multiples. So, in this, you know, considering all this. Et du coup, si on considère tout ça, la vie sans le spam. So life without spamming would be, you know, very simple and, you know, very... Elle serait vraiment simple et elle serait propre. Elle demanderait pas autant de sorted temps. Sorted and it wouldn't be time consuming. The more I think about it, the more depressed I get as it becomes very clear that it seems like everything around me is unsolicited. So even though I never asked for it, I still get it. And I do not always know what this it is. Le plus j'y pense, le plus je me sens déprimée. Parce que j'ai l'impression de plus en plus que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est pas vraiment désiré. J'ai jamais vraiment demandé. Et je le reçois quand même, même si je sais même pas vraiment ce que c'est. Mais ça peut prendre vraiment différentes formes, des ombres et des raisons différentes. Et puis ce que je me suis rendu compte, c'est que mon plus gros problème de spam, c'est mon propre spam. Par exemple, j'ai un acouphène. Et cet acouphène, c'est un peu une sorte de spam, qui me spam tout le temps, tous les jours. Et peut-être même pendant que je dors, mais bon, je dois admettre que en fait, j'en rêve pas, donc... But it can take apparently very different shades and shapes and reasons. So lately I was thinking, as I still do think that my biggest spam problem is my self-spam. So, for instance, I have an unsolicited ear sound, who, it's a kind of spam. Spams me all day from morning to evening and probably also while I sleep, but as I have to admit, I do not dream about it yet. Basically, all of social media used to be spam in my life. I'm happy that I was able to gradually quit it, get off it. Facebook was the biggest spam. So are the spams are like noises? It's like they just keep coming into your life and there's no way to stop it, and you kind of change your behavior because it's just arriving at all kinds of hours of the day. Someone is messaging you on Facebook, someone is... Basiquement, en fait, tous les réseaux sociaux sont des spams dans ma vie. Je suis vraiment ravie qu'en fait, j'ai pu graduellement les quitter. Facebook, c'était le plus gros spam. Donc, est-ce que les spams, c'est comme des bruits? En fait, c'est comme des choses qui n'arrêtent pas de revenir dans ta vie. Et il n'y a pas vraiment moyen de les arrêter. Tu peux changer ton comportement, mais ça continue d'arriver à n'importe quel moment de la journée. Quelqu'un t'écrit sur Facebook, ou tu as les notifications allumées. J'ai éteint toutes mes notifications, excepté Telegram, parce que, en fait, on discute sur Telegram. WhatsApp a aussi commencé à être, d'une certaine façon, un spam massif, puisque toutes ces personnes avaient commencé à faire des groupes. Et donc, du coup, en fait, ils ont commencé à faire des groupes de travail. Et donc, du coup, les gens ont commencé à penser qu'ils pouvaient écrire des messages relatifs au travail via WhatsApp. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, tu te réveilles, tu allumes ton téléphone et directement, les gens veulent des choses de toi. Et c'est vraiment ennuyant. Les personnes ont l'impression qu'ils peuvent prendre ton temps à n'importe quel moment. WhatsApp was also a massive spam because all kinds of people started making groups. And they also started making groups for work. And people think they can send you work messages, work-related messages on your WhatsApp, which means that... These spams, I like time. I don't like these spams. I like time. These spams, I like time. I don't like these spams. You wake up, you turn on your phone, and people want things from you in a completely disorderly fashion, so it's really annoying. It's just that people feel like they can take your time anytime. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on veut utiliser un réseau social, on accepte des spams parce qu'on doit mettre son adresse email et donc du coup, pour être capable d'utiliser l'application correctement. These spams, I like time. I don't like these spams. I like time. These spams, I like time. I don't like these spams. On accepte, on autorise les spams à entrer dans notre vie pour pouvoir accéder à ce contenu. Ouais, voilà, c'est un peu comme toutes les choses sur lesquelles tu t'es inscrite et tous les efforts que ça demande pour se désabonner de quelque chose. I feel that this mail client or any social media allows use your mail or yourself so that you can receive in order to use normal function you have to able to use accept spam. So there are more spams than real content. Et je pense que la chose qui apporte le plus de spam pour moi ou la plus ennuyeuse, c'est quand même le groupe. subscribe to these spams. I like time. I don't like these spams. I like time. These spams. I like time. I don't like these spams. And all of the effort it takes to unsubscribe from something. But I think the most annoying for me and the most spammy thing are group emails or group messages. And all of the collaterals, like you, the kind of notifications that you are being sent, you know, because you know, there's some algorithm that has decided that you have to be interested. So I guess it's this attention economy that we've tried to exit. It's also the modus operandi of the art world, like the. Et après, il y a tous ces espèces de bruits parasites, comme toutes les notifications, parce que des algorithmes décident que tu devrais être intéressé par telle ou telle chose. Donc je pense qu'en fait, c'est cette espèce d'économie de l'attention dans laquelle on essaie de sortir. Donc en fait, je pense que c'est cette espèce d'économie de l'attention. Je pense qu'il y a un problème que tout le monde est content creator et content receiver. Donc nous sommes tous producing spam et nous sommes tous receiving it. So it's an agreement, it's a contract that if you want you are able to your freedom to send signals, so then you also have to receive in your phone, in your computer, and in your head, in your brain. So in that sense it's junk, it's like a junkyard. So en fait je pense que c'est cette économie de l'attention à laquelle on essaye d'échapper. C'est aussi un peu le modus operandi du monde de l'art. En fait, le monde de l'art, c'est quand même du spam sans fin. Des gens qui essaient de prendre ton temps, d'intervenir ou d'extraire des informations de toi. En fait, de t'ennuyer, basiquement. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème que tout le monde est un créateur de contenu et un receveur de contenu. Donc on est tous en train de produire du spam et on est tous en train d'en recevoir. Donc il y a une sorte d'accord, c'est une sorte de contrat, que si tu as la liberté de produire un signal, tu dois pouvoir aussi en recevoir. Et tu dois être capable de le recevoir dans ton cerveau, dans ton être, dans ton ordinateur. Et I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. I don't like to be taken as spam. Dans un sens, du coup, ça devient des déchets. Ça devient une dépotoir. Puis un peu, c'est comme si tu acceptes de participer à cette espèce de faux espace public. Donc en fait, tu jettes des choses et puis tout le monde est en train de jeter des choses. Mais du coup, il n'y a pas d'endroit pour les recevoir, il n'y a pas de plan à propos de ça, il n'y a pas vraiment de planification. C'est juste une excuse de communication, mais qui, au final, ne communique rien du tout. Ou au mieux, c'est juste une espèce de promotion de soi-même. Et en fait, dans la discussion qu'on a eue, c'est un peu cette espèce de retrouver son espace privé. Et c'est un peu cette capacité que tu as à vraiment réguler ce spam. C'est plus vraiment déterminer ta communication. Yeah, because you accept to kind of participate in this fake public space where you know you just think you just dump things and everyone just dumps things, but there is no you know no scope for it and there's no coherence and there's no plan about it. It's just an excuse for communication which doesn't communicate anything at all, or at most it's some sort of self-promotion or something. Actually, the possibility of regaining a private space, I think it also means that, you know, you are able to really regulate this spam. Like, it's not defining your communication anymore. Aus Hong Kong. Mail delivery failed. Returning message to sender. Marmiko have an unread message from Mr. Saudam Maxim. Cynthia Young has sent you a message. Missed voice message at 1:31 p.m. Click here to take a look. Wire register. Amen. Mail delivery failed. Return message to sender. Mail delivery failed. Return message to sender. WikiLeaks. Linda Assange erklärt. Flüchtlingskreis. Mail delivery fault. Return message sender. Delay in mail production. Are you hard yet? Message was message. Pour moi, les SIDA est un gros spam. For me, AIDS is a big spam. Pour les autres qui n'ont pas vécu avec les gens atteints du SIDA. For those who have not lived with people who have AIDS. Ils pourront peut-être dire autre chose. Mais moi, de mon côté, j'ai vécu avec ces genres de personnes. They might say something else. Tu vois une maman qui se lève le matin qui te dit Vinangai Ezana Sonste. But me, from my side, pourquoi? Parce que I have lived people who had AIDS. Mon mari m'a laissé la maladie. So imagine a woman that wakes up in the morning next to you and that says, my life has no sense anymore. Pourquoi? Why? Ils arrivent à dire des choses avec beaucoup de désespoir. Pourquoi? Peut-être l'environnement. Because my husband left me this illness. Le regard des gens du quartier. Ils sont sans réconfort, sans soutien. Du coup, so why do people say these things with so much desperation? Why do people from the quarter around them, what do they say? They are without they don't reconfort them. Tellement que le message a été mal passé que quand tu as le sida, tu vas mourir tôt et tout. Ils ont même peur de prendre même le médicament, là, le calmant, parce que avec le médicament, tu peux encore prolonger ta vie. So bad have the messages been transferred that we believe that once you have AIDS, you will die while you're young. So people are even afraid of taking medication that helps against the AIDS. Because with this medication, you can actually make your life longer. Mais quand tu n'en prends pas, quand il n'y a pas des encouragements, et quand il n'y a pas aussi de quoi de réconfort, la personne devient suicidaire. Il est dans son coin, il est dans son côté, il s'est dit, peut-être que je veux juste attendre la mort. When you don't take the medication and that there are no people giving you courage, and when there's also no reconforting around you, the person becomes suicidal. Spamming Brazil actually elected Bolsonaro. He's invaded this fake news about our former president Lula, invaded people's house, people's emails in a way that I couldn't believe it. Like how this machine works and how they really gather people through like these crazy strong statements and information that people just not question. C'est avec le spam que Bolsonaro a été élu. Il a diffusé des fake news à propos de notre ancien président Luna. Et Luna a répondu en inondant les gens, leurs maisons, leurs emails, d'une manière que je ne pouvais imaginer. Spammer, ça a été aussi la stratégie d'élection de Bolsonaro. Et c'est quelque chose que je ne pouvais même pas croire. Comment cette machine fonctionne, comment il pouvait en fait s'immiscer dans la vie des gens avec ses... Et comment ils ont réussi en fait à entrer dans les gens avec des déclarations très fortes et des informations tellement fortes que les personnes n'osaient même pas les questionner. Il y avait vraiment aussi beaucoup de personnes de ma famille qui en fait croyaient à ces déclarations et en fait ils y croyaient à tel point qu'ils ne pouvaient même pas en discuter. Ils se sont refermés sur eux-mêmes et en fait ils y croyaient dur comme fer. Et c'était vraiment des déclarations tellement improbables comme par exemple que les serpents ont des jambes et en fait ils arrivaient à me répondre, mais De quoi tu parles? Mais bien sûr que les serpents ont des jambes. Twisted turns and twisted things and twisted turns and twisted things. Go to the spam folder of our thoughts. Turns and twisted thinking, twisted thinking, twisted turns, twisted twists of our thoughts. Like relatives of mine or my family believing very, very crazy information and not up to discussion. Like they just closed themselves like, yes, it's there. And it was like crazy statements like snakes have legs. And like, what are you talking about? Snakes doesn't have legs. Oh, now you know everything. Of course, snakes can have legs. Like it's not that, but this kind of comparison of absurds on messages. And this happened specifically with older generations. I had to talk a lot to my mom. My mom was like, me and my sister were able to bring my mom back to reality, but she was on the way to it, really, really believing in everything that she was receiving on WhatsApp through her groups of crazy old people. Bon, bien sûr, c'était pas ce genre de déclaration, mais c'était un peu pour une image pour montrer la ridicule et l'improbable de certaines de ces déclarations. Et ce phénomène s'est produit particulièrement chez les personnes plus âgées ou les générations plus vieilles. Du coup, j'ai dû discuter vraiment énormément avec ma mère. Et avec ma sœur, on a été capable de ramener ma mère à la réalité. Mais elle était sur la pente. Elle était en chemin pour y croire. Elle était en train de commencer à croire à tout ce qu'elle recevait sur WhatsApp, dans ses groupes. Et je pouvais vraiment pas y croire. Bon, les dernières élections, elles étaient un peu moins terribles. And you just can't believe it. Like these elections were less horrified, but because we had more regulations on these kind of spams and how they got access to our data and to send it. Parce qu'on avait un peu plus d'expérience avec ce genre de spam et comment ils arrivaient à accéder à nos data et comment ils arrivaient à accéder à nos boîtes mail. Et c'est vraiment drôle parce que ces machines, elles savent vraiment déterminer à qui elles doivent envoyer ce genre de message. Puisque moi, en fait, j'en ai jamais reçu. And it's funny because this machine that selects people who send it, they know to which people they should send it because I never received. And I don't know if because I am very active on the media, social media, telling my political position, but these things just don't reach me. Putting more time into time, putting more less spam. Time into time, putting more time into less spam. Time, putting more time into time, less spam. Putting more time into time. If I want my life with less spam. Unjunk me! Et je sais pas si c'est parce que je suis vraiment active sur les réseaux sociaux, diffusant mon orientation politique. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne m'ont pas atteinte. Mais ils ont atteint ma mère. Et d'une manière assez folle. Et en fait, pour moi, c'était complètement fou. Et ce genre de merde, c'est un peu. But they reached my mom, like in a crazy way. So for me, this is insane. And I don't know, Bolsonaro is the proof of that this shit enters in people's minds. Ça illustre pour moi la manière dont Bolsonaro rentre dans l'esprit des gens. Et vraiment la manière dont ils infiltrent les esprits et le temps. Et les années que ça prend pour pouvoir le sortir and de là. And infiltrate there, and you, it's huge effort to take it back. It would take years, years for Brazil to clean everything. C'est vrai que pour l'avenir, pour le futur, tout le monde, moi y compris, on rêve toujours du meilleur. On rêve toujours que les choses vont de l'avant. Après, les questions sont aussi, c'est quoi ces meilleurs-là? C'est quoi ce qui est bon et ce qui n'est le pas? Est-ce qu'un monde aussi sans spam est vivable? Question mark. Parce qu'en fait, le monde est ainsi fait. Le yin, le yang, le bien, le mal, le jour, la nuit, l'eau, le feu. Tout ça, ça va de pair, ni l'un sans l'autre, je pense. Donc moi je dirais la forme qu'on voudra donner à ces futurs. It's for sure that for the future, we all dream of a better future, me included. But then the question also becomes, of course, what is this best? What is this possible best future? Is a world without spam even livable? Because all things are interconnected and don't go one without the other. The fire not without the water, etc. So what I would say, the form that we would want to give to this future. Ça se résumerait en dans la phrase que ça soit meilleur. Maintenant la question sera encore qu'est-ce qu'on attend par meilleur? Est-ce ce qui est meilleur pour soi ou ce qu'il est pour les autres ou ce qu'il est pour tous? Et qu'est-ce qu'on quand est-ce qu'on peut dire que c'est meilleur pour tous? Parce que chacun aussi a ses choix. Could be resumed by the sentence that it should be better. But the question remains the same. What do we understand by better? What is better for ourselves or for the others or for everybody? But at what point can one say that is actually better for everybody? Chacun aussi a des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas et trop souvent qui ne se concordent pas à celui-là et des visions différentes. C'est même pour ça, je pense, qu'il a été fait des trucs comme des constitutions, des lois qui gèrent des nations, des pays et tous les restes. Parce que cette question-là, elle est trop complexe. À mon humble avis, dénoncer, peut-être. Because everybody is also taking their choices, like certain things and doesn't like others. There's not always understanding between people. And that's even why. This is even why we have constitutions. This is why there are laws. Because this question is so complex. We hope that maybe we can sort of frame things that makes things more livable. On espère à recadrer les choses, en donner une forme qui peut être meilleurement vivable. Mais quand à donner une forme définitive pour le futur, c'est un problème. But if you give like a definitive form to the future, then you have a problem. If you think of now that we have talked about spam in or work as spam almost, yeah, how can we have a life with less work? I think that's like a really big question that a lot of people ask themselves throughout their life, probably. And I've been asking that. This is really easy. Bon, si tu penses, en fait, bon, on a parlé du spam un peu, genre, du travail en tant que spam. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on peut mener une vie avec moins de travail? Et je crois que c'est une question que beaucoup de personnes se posent tout au long de leur vie. Et je me suis vraiment posé cette question à moi-même beaucoup. Je pense que travail, c'est un mot pour peut-être des gens qui se considèrent eux-mêmes comme des artistes, ou quelque chose comme ça, comme des créatifs, ou comme tu veux l'appeler en fait. Et je pense que c'est une espèce de zone un peu floue entre les choses que tu fais pour de l'argent, des choses que tu fais de toute façon, mais sans vraiment avoir de commande. I think work is like a weird term for people maybe that consider themselves artists or something like that, creatives, whatever you want to call it, because there's like this very blurry kind of area between things that you do for money, then there's other things that you do anyways, but you get paid for them, and then there's things that you do and you don't get paid for Mais them. Mais tu reçois de l'argent pour ça. Il y a des choses que tu fais et bien sûr tu n'es pas payé pour ça. Mais au final, c'est la même chose, basiquement. Mais toutes ces choses viennent aussi avec des responsabilités différentes. Et par exemple, si tu fais quelque chose juste parce que tu as envie de le faire, c'est désiré. Et des fois, si tu commences à faire quelque chose parce que tu es forcé de le faire, ben ça devient non désiré. Et je pense que c'est beaucoup le fait d'inverser ou de changer les concepts. Et un peu de considérer le travail comme quelque chose que tu as envie de faire et pas quelque chose pour lequel tu es payé. Bien sûr, c'est en parlant d'une perspective artistique ou d'une perspective ou d'une vision en tant qu'artiste. Et c'est quelque chose sur laquelle j'ai vraiment pensé. And they can all be the same thing, basically. But like this very, but they also come with very different responsibilities. Like I talked about before, that like if you do something just because you want to do it, it's very desired. But if you like are basically forced to do it, even though you like what you do, it also can become very like undesired. I think it's a lot about maybe shifting the concept a little bit, thinking about work as the things that you want to do rather than the things that you get paid for. Which, I mean, I guess this comes very much from like an art perspective or perspective of like an artistic practice. Internet environment. In this internet environment, internet landscapes, in this internet reliefs, internet rivers, with internet trees, internet flowers, with internet bees in them. In this internet environment, internet sky, internet houses, internet trash bins with spam in them. Peut-être aussi être un peu submergé par le travail et aussi payer le loyer, toutes ces choses. Et vraiment avoir une vie complètement spammée, c'est, ou dénuée de tout spam, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je pense vraiment que d'avoir une vidée de spam, c'est vraiment très difficile. Et malheureusement, il n'y a pas de chemin en dehors de l'argent. Mais peut-être que changer nos perspectives, c'est peut-être un bon moyen de commencer. I mean, that's something I've been thinking about a lot lately also, was kind of being overwhelmed with work and like paying rent and like all these kind of things. So I think, yeah, having a not spammed life at all is very, very hard in that sense. There's no way around money, unfortunately, but yeah, I think shifting the perspective, shifting the priorities is kind of a good way to start that. For example, spam is, what do I feel is spam in my life? It's really depending on the time, the day, the year. For me, I generally have the feeling of this unwanted disturbance, and spam, unfortunately, maybe reminds me of being a mother, like thinking of myself. Ce que je ressens comme du spam dans ma vie, c'est vraiment dépendant du temps, du jour, de l'année. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment des fois de cette perturbation non voulue, de cette perturbation indésirable. Et le spam, malheureusement, ça me rappelle le fait d'être mère, penser par moi-même et pour moi-même. Et aussi, je pense beaucoup à comment j'ai spammé moi-même ma mère. Les cris qu'on entend, les cris du fils, et c'est en étant mère que je me sens le plus spammée la plupart du temps. Et aussi, il y a des gens ou certaines personnes qui, des fois, à mon avis, agissent comme des spams. Comme par exemple, ces personnes qui t'appellent, encore et encore. Et ils essaient de forcer leurs idées, forcer leurs questions, mais particulièrement leurs réponses. Also, I think how I spam my mother. Still, I think of that, and the shout we heard like was Özge's, your son's shout. Also, I think somehow it's like, it's kind of being like a mother that I feel I'm spammed most of the. La plupart du temps, quand j'allume mon téléphone, je me sens spammée avec toutes ces notifications, Instagram, Twitter, ça occupe. La vie sans le spam, elle peut être ennuyeuse, peut-être parce que ça te donne le sentiment d'être perturbé. La vie sans spam, ce serait quand même peut-être vivre comme sur une île, avec personne autour et pas de technologie. Also, with some people, I have this feeling that they act like a spam. So how is it like maybe just calling and calling over and over again and trying to force their ideas, force their questions, but mostly their answers to me. And also I think when I open my phone, I feel spammed. When I open this Instagram, Twitter, I feel a bit like occupied. Et pour toi? En fait, yes. Même sans le spam, je pense qu'on n'aurait même jamais reçu cet email de Ralph et Yasmina. On n'aurait même pas été invité pour ce projet de spam. Donc j'imagine vraiment pas une vie sans spam. Alors comment on pourrait arriver à une vie avec moins de spam maintenant? Peut-être. Life without it. Life without a spam can be boring. Maybe because it gives you a bit of feeling like being disturbed. Yes, I mean, life without it would be like living on an island, I think, with nobody and with no technology. What about you? Without the existence of spam, we could not even get this email from Ralph and Yasmina, I think, and of course their invitation to the spam project. So I cannot imagine a life without spam. How could we start a less spam life right now? You're selling me everything I do not want to buy. What you're selling is everything that I don't want to buy. What you're selling is me. Le son, peut-être l'émission de radio qu'on vient juste de créer, elle va me rappeler à ça. Comment est-ce qu'on pourra avoir une vie avec moins de spam maintenant? Peut-être que le son, enfin la radio là, qu'on vient de créer, ça me rappelle un peu ça. Donc on pourrait juste écouter. Ça, je pense que ce serait ma réponse. Tu disais, comment est-ce qu'on pourrait arriver à une vie moins spammée? Maybe a radio... sound like a recording we made reminded me of. Maybe we can just listen. Ne yapıyoruz? İşte kapılar koyup birilerini dışarı, birilerini içeri kilitliyoruz. Takip etmek değil ama takip ediliyoruz zaten. Gözlerle, bakışlarla işte bir aslında merak. That's my kind of answer, I think. How could we start a less spammed life right now, you said, right? A less spam life would just mean, yeah, as you said, not putting that much crap into the into outer space. And I would say silence. Une vie avec moins de spam, ben c'est peut-être comme tu l'as dit. C'est peut-être pas lâcher à l'extérieur tant de déchets. J'ai écrit un silence parce que j'espère un silence. Yeah. I think not silence in the sense that yeah, but I think it's very ecological to be silent. So I think we are creating a lot of noise and spam, which I see, including myself. Parce que c'est un peu, ça se passe un peu toujours dans le bruit. Je pense que le silence c'est un peu plus écologique. Je pense que nous créons beaucoup de bruit et beaucoup de spam, y compris moi. You know, there has to be someone who needs to receive. Bullshit standing sent in bulk. Sent bullshit in bulk. Bulk sent in bullshit. Bullshit sent in bulk. Bulk sent in bullshit. Bulk sending bullshit. Sending bullshit sending in bulk. Bulk sending bullshit. It's too much data, bulk, and then when you produce that much data, that need to be circulated. Rubbish. So this is, we think every body has a right to talk and scream and produce and create, because this creative economy allows. So it is je pense que tout le monde a le droit de parler, de crier, de s'exprimer, de produire, puisque c'est ce que l'économie créative nous autorise. Mais c'est beaucoup trop d'informations. Data, and then when you produce that much data, that needs to be circulated. Look at YouTube, it's complete junkyard. So, you know, there has to be someone who needs to receive. Et si on produit autant d'informations, elles ont besoin de circuler. Et en fait, s'il n'y a personne pour les recevoir, elles finissent alors dans un dépotoir. Je pense aussi que prendre son temps, en fait, prendre plus de temps pour les choses que l'on crée, au lieu de faire des choses à chaque fois qu'on te le demande et de répondre à chaque demande de quelqu'un pour faire des choses. Taking more time, putting more time into the things that you create, so instead of, you know, making things. Voilà ce qu'on disait, ne pas travailler sous la contrainte, like responding to everyone's request to do things, produire son propre travail et aussi produire l'espace pour ça. Not working on a commission, but you know, producing your own work and then creating the space for it. So then it's not going to be spam. It will have a necessity. Completely spam. Je me auto spam, proper spam, non proper spam. Spend time. Je me auto-spam propre spam. Mon propre spam. Spam time. Mon propre spam. Spam time. Je me auto-spam propre spam. Mon propre spam. Spend time. Spam time. Spend time. Propre spam. Mon propre spam. Ça va pas devenir du coup un spam. Ça va avoir une nécessité. Et aussi, des fois, aujourd'hui, j'essaie de comprendre comment le spam fonctionne. Et je pense qu'une fois que le spam, en fait, arrive à trouver un chemin vers ton ordinateur ou n'importe quel appareil, une fois que le spam arrive à rentrer dans ton système, et je pense que ce spam te prend un accès, une mobilité, un mode. Il s'infiltre dans ton système et il prend un accès, une mobilité, un mode. And also sometimes I think today how the spam works is also that when the spam enters your system, means your computer or wherever, so that means through that spam they can access your mobility, your mood. So that is also how the bots are modeled. So indirectly by receiving spam, we are also simulating bots, which is exactly by our strong liking and disliking. So in a sense, yeah, you. So then you can consider also apps like Zoom, yeah, for example, no, that stay in the system and never leave, or you know, your Facebook account that is never really deleted, or your WhatsApp. Et c'est un peu, you know, la façon dont les bots sont modelés. Et aussi, en fait, en recevant des spams, on simule des bots. Et d'une certaine façon, on simule le fait d'être des bots par notre pratique d'aimer ou de désaimer des choses. Donc tu considères aussi ces applications comme, par exemple, Zoom, celles qui restent dans ton système et elles ne partent jamais, ou ce compte Facebook qui ne se supprime jamais, ou WhatsApp, toutes ces choses qui, en fait, ne veulent pas être détruites. C'est peut-être le plus gros spam. La trace, en fait, peut-être le spam digital, c'est peut-être la trace que tout le monde laisse. It's just all of these things that don't want to be destroyed are the biggest spam. So traces, spam is also in one sense the trace, also the digital trace of everybody's, you know, but it's anonymity, but it's ultimately... Peut-être l'anonymité, mais par exemple quelqu'un qui est né après 96, à l'avènement d'Internet... Il y avait déjà Facebook qui a créé, en fait, leur propre algorithme et qui commençait à définir ce que tu étais ou qui maybe tu étais. Maybe someone who is born after 96 with internet, their whole, like, what Facebook was used, it was giving that the whole, you know, you can have your, the algorithm, your own algorithm, what you are. In form of, you know... Well, I would say especially full of doubts, because one thing, if you speak about society and, you know, the economy and market economy with private property and all that, sometimes I think the way identity is conceived or subjectivity is conceived is in a strange way connected to this idea of private property and of owning something which is mine and only mine, and that this idea leads to the wrong conclusion that I should maintain the best part of me, I should maintain it for me, it's mine, so I don't show it to you, right? It's like it's my private property, it's like a big car. I don't share it with you, so I maintain it for myself, and this leads to this social stinginess that I think there is a lot of fear that people think that if you share even feelings you're not sure of. Mais je suis vraiment pleine de doutes, parce que quand on parle en termes de société, ou l'économie de marché, la propriété, toutes ces choses, des fois je pense que la façon dont l'identité est créée, ou la façon dont la subjectivité est créée, c'est en fait d'une façon très étrange, très reliée à l'idée de la propriété privée. D'avoir quelque chose, de détenir quelque chose, avoir quelque chose comme le mien, avoir quelque chose à moi. Ces idées en fait mènent à une fausse conclusion. La conclusion que tu dois maintenir la meilleure partie de moi, c'est comme la mienne. Et c'est cette partie que je dois te montrer. Donc du coup je te la montre pas. Je vais pas la partager avec toi. je la garde pour moi. Et ça mène un peu à cette confusion sociale. Et ça mène un peu à cette idée que si tu partages même des sentiments pour lesquels tu n'es pas vraiment sûr, en disant par exemple « je suis juste en colère à propos de ce que tu viens de dire » ou simplement exprimer ses doutes, « je suis pas vraiment sûr si ma réponse est adéquate ». Mais je pourrais te le dire, je n'aime pas ça et je trouve pas que ta façon de parler est adéquate. Mais je pourrais te le dire simplement, je n'aime pas ça et on pourrait en discuter. Et c'est vraiment difficile pour les gens parce que cette recherche constante de certitude, c'est vraiment dur pour les gens parce que cette recherche, ou plutôt cette volonté de certitude, d'une certaine façon pour moi, c'est vraiment relié à ce fantasme de l'appartenance. D'avoir cette chose que tu n'es vraiment pas prêt d'abandonner. Talking about doubt, right? Saying, you know, I'm sort of angry about what you just said. I don't really know if my response is adequate, but I can tell you this, you know, I don't like it and I would like to talk in a different way or something. It's very hard for people because like this quest or this will to certainty somehow for me is connected with this fantasy of owning, having this thing which you don't want to give away, which is so strange, because if you keep it for yourself, it's a poorer life, it's less beautiful, right? Too much spam in my life is people talking too much. I'm always disappointed. Too much. It's like spam. Spam. Too much. Too much. Many. Too much. It's like spam. Ce qui est vraiment étrange, puisque d'une certaine façon, si on le garde pour soi, ça devient une vie plus pauvre. C'est beaucoup moins beau. Bon, je sais pas, ça sonne peut-être un peu presque religieux, mais ça c'est déjà un aspect. Et j'étais justement en train de lire le dernier livre de Judith Butler, La force de la non-violence, où elle parle à propos des agressions et elle dit que ce serait peut-être illusoire d'être complètement non-agressif. Parce que la violence commence déjà avec la façon dont on est constitué et dont le sujet est constitué. On peut parler beaucoup de contexte psychoanalytique, mais ce qu'elle dit, c'est qu'on pourrait peut-être différencier différentes formes d'agression. Elle le dit pas vraiment comme ça, mais il y a les différences entre bénignes et malignes. Il y a des bonnes et des mauvaises agressions. Et en fait, je pense que beaucoup d'agressions problématiques, c'est un peu quand même un autre fantasme d'être une bonne personne et d'être vraiment toujours gentil. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Parce que tous les jours, en fait, je suis en train de me confronter à des gens. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de les confronter. En fait, je suis enseignante, donc du coup, tous les jours, je confronte des personnes. La meilleure chose à faire, c'est de leur donner un retour direct. Donc du coup, les gens se mettent à crier et tu cries en retour. Mais en fait, au final, tu sais, chaque nouveau jour, c'est un nouveau départ. Donc je pense au final que c'est une bonne chose. Parce qu'au final, si tu gardes cette agression pour toi-même, si tu la nies, si tu nies qu'elle est là, elle va pas pour autant disparaître. Les conflits ne s'en vont jamais. Le problème, c'est que ça va toujours ressortir dans une autre situation où peut-être tu ne vas pas pouvoir la contrôler. I mean, this might sound a little, maybe almost religious. So I don't know. So that's one aspect. And I'm just reading the new book of Judith Butler, The Force of Nonviolence, where she talks about aggression, saying that it would be probably an illusion that to think that we could be completely non-aggressive, right? Which has to do, it already starts with the way our subject is being constituted, and it's, well, you can talk about a lot about the psychoanalytic context and all that. But what she says is maybe we have to differentiate different forms of aggression. Maybe she doesn't say it that way, but maybe there is like benign and what would be the other word, malign, like good or bad aggression, right? I think a lot of the problematic aggression has to do with this, just another fantasy of being a good person, of always being nice, which is bullshit, you know? It is bullshit. I'm teaching, so every day I'm like confronting people, and the best thing to do is to give it directly back, and people, you know, I'm shouting out and they are shouting, and it's like that, but then, you know, next day is a fresh start. And so I think that's a good thing, because if you keep that aggression to yourself, parce que tu vas laisser ton subconscient ou justement ton corps répondre à ça, et du coup ça devient beaucoup plus dangereux que de le confronter directement sur le moment. Donc j'ai beaucoup réfléchi parce que une autre question c'était que serait le monde sans spam ? Et je pense que tu disais, Raph, en fait, parler directement aux gens et adresser vraiment le conflit. Deny that it is there, it won't go away. Conflicts won't go away. But the problem is it will pop out in another situation where you cannot control it because you let your subconscious or your body take it out, and then it's much more dangerous than doing it directly in the moment. So I was thinking, because another question was what would be a world without spam, or I think like what you said, Ralph, that this speaking directly with people and you know, maybe addressing conflicts, spamless life. From spamful to spamless. If spam is something that it's a message that you receive unsolicited, right? This is the, we wouldn't take any unsolicited messages. How would be our life? With huge boundaries, like we would be the queens of boundaries. Like I don't even want to be bothered in my spam. Like just leave me the fuck alone. Avec moins de spam, de plein de spam à sans spam. Si quelqu'un spam quelque chose, c'est un peu comme un message que tu n'as pas sollicité, non? En fait, on ne prendrait même pas un seul message qu'on n'a pas demandé. There has to be someone who needs to receive. Bullshit standing sent in bulk. Sent bullshit in bulk. Bulk sent in bullshit. Bullshit sent in bulk. Bulk sent in bullshit. Bulk sending bullshit. Sending bullshit. Sending in bulk. Bulk sending bullshit. It's too much data, bulk, and then when you produce that much data, that need to bulk be circulated. Avec des frontières énormes, comme la reine des frontières. Je veux même pas être dérangée dans mon spam. Juste laisse-moi tranquille. Mais peut-être si on sait pas qu'il existe, ben le spam il arrive pas jusqu'à nous. Mais il sera toujours là quelque part. Le spam existe, mais il arrive pas jusqu'à nous. Spam, comme avec moins de spam. Or maybe if we don't know that it exists, so the spam is not coming to us, but there is somewhere. You know, it's like the spam exists, but that doesn't come to us. Maybe we be a less spam life. Spammed, like with less spam. Ah, okay. Don't watch TV, don't watch. Yeah, I was thinking about, all this extra input. Like, I am trying to do this thing that I try to train my body to produce less dopamine, as Lavi, you suggested me. But it's very hard, especially now with lockdown and everything. So I am trying not to look so often at Instagram or at the social media feeds and have these sensations in my body. And I think that is spam in your body. Like, that is literally shitty stuff that is not relevant for your life and is still bothering spam, you comme because moins of some spam. Ben, ne regarde pas la télé. Ouais, j'étais même en train de penser, avec tous ces stimuli externes, j'étais même en train d'essayer d'entraîner mon corps à produire moins de dopamine. Mais c'est vraiment difficile, surtout maintenant avec le confinement et tout. J'essaie vraiment de regarder beaucoup moins Instagram ou tous les fils d'actualité des médias sociaux pour un peu atténuer toutes ces sensations dans mon corps. Parce que je pense qu'il y a vraiment du spam à l'intérieur de toi. Et toutes ces petites choses, toutes ces petites merdes qui ont un impact sur ta vie, mais je pense qu'il y a vraiment du spam à l'intérieur de notre corps. System that puts this mechanism in place, and I think I would like to do with the, without this. This is a bit my the biological spam that I would like to not have. I think people should continue to read Kutra, so they will. It is, yeah. To avoid spam. Yes. A little bracket. What is it with the dopamine? Like that you get constantly stimulation if you're on social media, and you get dopamine, no? Love, you know better. Okay. Neurological experience, like the dopamine in the brain. Vraiment toutes ces petites choses qui sont pas vraiment très utiles ou nécessaires pour notre vie, mais qui quand même t'embêtent. Mais qui t'embêtent quand même. À cause de systèmes qui ont mis ces mécanismes en place. Et je pense que j'aimerais bien faire sans ça. Voilà, ça ce serait peut-être notre spam biologique. Je pense que les gens devraient continuer à lire Kutra, pour éviter le spam. Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est là à propos de la dopamine ? C'est que tu es en stimulation constante quand tu utilises les médias sociaux ? Et du coup, tu produis de la dopamine, c'est ça? Lavinia, elle peut mieux en parler. Notre expérience neurologique, comme la dopamine dans le cerveau, c'est ça qui te donne toujours envie d'avoir toujours plus de choses. Donc ça se produit avec les médias sociaux, mais ça se produit aussi avec la nourriture. It makes you be always in trying to get some more things, like, and it's happening also with social media. It's also happening with food or, or I don't know. You know when you the dopamine says you want to in our brain says you want to this, but whenever you have it. You are, that's not enough because the thing that counts is I want this. La dopamine envoie un message à notre cerveau et en fait notre cerveau va nous dire et elle te dit tu as envie de ça et à un moment où tu l'as, c'est jamais assez puisque le seul signal qui arrive c'est je veux ça. Donc ça c'est aussi une sorte de spam puisque ça continue de venir encore et encore. C'est vraiment intéressant quand même. Tous ces processus neurologiques qui se passent dans notre cerveau. Tous ces processus neurologiques qui prennent place dans nos cerveaux et qui au final prennent forme dans la vraie vie, loin de nos corps. So this is a sort of a spam because it keeps coming. It comes, keeps coming. Yeah. In the, yeah, okay. Yeah, yeah, I think so. Well, now that we are unfolding this metaphor of this one. Yeah, it's very interesting though. Mm-hmm. All this. Neurological processes that are happening in our brains and then unfolding in the real world, like away from our bodies. No, I mean, of course, this is communication, and the communication is in it a value per se. It's a value in itself, in certain constellations. Bien sûr, c'est de la communication, et bien sûr, la communication, ça a de la valeur pour elle-même. C'est une valeur pour elle-même. Dans certaines constellations. J'aimerais vraiment commencer à parler. Est-ce que tu as déjà parlé de l'aspect matériel du spam? I would very much like to turn to the material aspect of spam. Have you talked about the material aspect of spam? So, I talked to Marian. We didn't talk. We just emailed. Only two emails, but I mentioned this thing. And then, by the way, do you consider plastic garbage spam? And he said, of course. Plastic garbage is spam, and the background story is that we were talking about a project for Kinshasa, which, by the way, ended up in being a radio project. J'ai parlé à Marianne Chapneau. Enfin, on n'a pas vraiment parlé, on a juste écrit par email. On a commencé à parler, et puis j'ai mentionné cette chose. Est-ce que tu considères les déchets plastiques comme du spam? Et puis il a dit, bien sûr. Mais bien sûr, et puis le plastique, c'est le plus pourri de tous les spams. Et puis on a commencé à parler pour un projet pour Kinshasa, et puis on a atterri en étant dans un projet de radio. Somehow I have really to spread it around the 98% part of Kinshasa that he's not living in. Then radio could be the right medium. And because it was related to oil, we talked about plastic and he told me that in some areas, there's 8 meters of plastic bottles underneath the ground on which they used it to fill it and then they build something on it. Because they have been having their water in plastic bottles for, I don't know, probably 20 years already or something. So that's a lot. And there's no garbage distribution system and no infrastructure at all, as he informed me. So basically, it shouldn't work because it's, you know, it's what... 10 millions, 8 millions, something like that, but it's a city without infrastructure. Puisqu'aussi, d'une certaine façon, c'est relié à l'huile. Et puis, on a parlé de plastique. Et puis, il m'a dit qu'il y a, dans certaines zones de Kinshasa, 8 mètres de bouteilles en plastique. Puisqu'en fait, d'une certaine manière, c'est aussi relié à l'huile. Et puis, comme on était en train de parler du plastique, il m'a aussi dit qu'il y a certaines zones de Kinshasa où il y a à peu près 8 mètres de bouteilles en plastique en dessous du sol. Is really easy. Qu'en fait, ils ont utilisé ces bouteilles pour remplir le sol et puis après ils ont construit des choses par-dessus. Puisque cela fait à peu près 20 ans que le seul accès à l'eau c'est via des bouteilles plastiques. Et ça fait extrêmement de bouteilles, mais ils n'ont pas de système de déchets. Donc ça fait beaucoup de déchets plastiques. Et on était en train de parler de ça. Et on était en train de parler de comment ça pourrait devenir une nouvelle ressource. Et puis c'était intéressant de penser à ça, de nouvelles façons de voir ça comme so des évolutions futures. Garbage, et du coup, il m'a dit, mais bien sûr, c'est du spam. Mais bien sûr, c'est aussi du matériel. Future resource and things like that. And interesting, think about it in different ways, future resource, future evolutions, and so on and so forth. This is why I asked him, do you think, and he said, of course it's spam, and of course, you know, this is a material thing, but OK, no. C'est une bonne question. Je vais essayer d'illustrer un peu ce que je peux ressentir par rapport à ça aujourd'hui. Imagine un peu, tu as acheté ta parcelle ou ton appartement et les deux chambres qui sont au fond là-bas, à partir d'aujourd'hui, ne fait plus partie de ta maison. Sans explication, sans rien. Ces deux chambres maintenant font partie de la maison de telle autre personne. Mais, plus grave encore, avec tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, même si c'était une chambre à ton enfant et que deux de tes enfants dormaient dans ces deux chambres-là, même tes enfants-là ne font plus partie de ta maison, ne font plus partie de ta famille, de tes biens et tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils font partie de l'autre côté. Comment penses-tu que tu vas ressentir? Que penses-tu que tu vas ressentir? De l'indignation, de la colère, de la souffrance. Et les conséquences sont réelles. Ces enfants qui jadis faisaient partie de ta famille, aujourd'hui portent un autre passeport, deviennent des étrangers, découpés de leurs racines, de leur culture, perdus, des choses qui n'ont pas été transmises, qui ont été coupées, brisques. Je pense que c'est ce que moi, c'est que ma génération, récent de ce qui s'est passé dans cette conférence de Berlin. Et donc, si un jour, je pensais que les gens, je devais me battre pour que les gens comprennent ce qui se passe, je commencerais par soulever différentes conséquences. Peut-être que les autres ignorent, ou peut-être qu'ils ne savent pas que ceux qui sont restés, ceux qui ont subi cette séparation-là, l'ont vécu. Et en faire des vidéos, des échanges, débats, utiliser l'internet qui est un outil important aujourd'hui, prendre des témoignages peut-être de gens auxquels il y a eu des petites transmissions comme ça de l'histoire. Aujourd'hui, on a une terre qui s'appelle le plateau de Bateke. Cette terre-là, jadis, faisait partie du royaume Congo. Mais avec la séparation, aujourd'hui, une partie est de la RDC, une autre partie du Congo-Brazzaville, l'autre partie du Gabon et l'autre partie de l'Angola. Est-ce que l'histoire a été transmise de la même façon à tous les autres peuples? Qu'est-ce que de ces autres peuples-là leur ont été dit par rapport à l'histoire et tous les restes? C'est beaucoup d'amertume, de volonté de savoir, de comprendre, parce que ça nous donne même l'explication sur qui on est. Aujourd'hui, une grande majorité de notre culture est traitée comme de trucs fétichisme, sorcellerique. Et dans ma culture, ce n'est pas vu bien. Parce qu'il y a eu le christianisme qui nous a été imposé. I'm going to try to illustrate a little bit what I think about this or what I feel about this. It's a very good question. Imagine that today you would buy a parcel which are like the lots, like a lot. Or an apartment. It's as if now Ralf or me, we would come and visit you and suddenly we would say, you know what, from today on, these two rooms in your apartment, they don't belong to you anymore. But even worse, not only the rooms, but everything that is inside them. So even if it was the room of your child, even if two of the children two of your children, the two children you have lived in these two rooms, two children don't actually belong to you anymore. They don't belong anymore to your house, to your family, to your environment. And so from this day on, the children do not are part of the other side. What do you think are you going to feel? How do you think you're going to react? Are you going to be enraged? Are you going to feel rage? Sans des conséquences. Donc du coup, tu veux même pas savoir ce que tes ancêtres ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être ça peut donner une orientation qui, sur qu'est-ce que tu pourras faire, par exemple. Elsa le sait. La force de l'appartenance est une histoire incroyable. On s'est retrouvé avec elle au musée de Tervuren à Bruxelles. Et moi, j'avais un bracelet que je portais, que j'ai acheté depuis l'île des Gorées au Sénégal. Ce bracelet-là a été coupé mystérieusement en morceaux. Parce que quand je me suis retrouvé devant une statuette venue tout droit de mon village natal. Quelle statuette, on n'est pas censé, moi en tant que femme, se retrouver devant. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des questions. Tout ça, c'est la non-transmission. Perte des valeurs. Dit à des gens qui ont fait le choix, sans tenir compte des habitants, de découper le Royaume Congo en 1885. Lors de la conférence de Berlin. The consequences are real. These children who once belonged to your family today hold another passport. They become foreigners. It's lost. This, I think, is what my generation feels about this conference in Berlin. And so if one day, if I need to fight so that people understand what's happening, this is what I would do. I would start bringing to the fore some of these consequences that they may not know, who have been left, who have stayed, who have lived through these separations, what they have lived, and to make, for instance, videos or exchanges, debates, discussions, to use the internet, which is a very important tool today. Take, for instance, also, wait, I'm gonna look this up. Try to think of your passcode or your face recognition. Essaye de penser à tes mots de passe. And access your spam folder. Look. Essaye d'accéder. Pay attention. Regarde. Pay attention to all the information that you collected until now. Try to understand these all. And after, try to select which ones are for you. And the info that remains. Et toutes celles qui restent doivent être erased. Et toutes celles qui restent doivent être supprimées. Effacer. Press on your inside keyboard. Shift plus and after delete. Shift plus add. Supprimer. Appuie sur ton clavier. Shift et ensuite supprimer. Toutes les secondes qui passent. Le contraire du spam pour moi, c'est tout ce qui nous arrive avec par notre propre consentement. Voilà, quand on est consentant de tout ce qui nous arrive, ça nous arrive par notre accord. I think the contrary of spam for me is everything that happens with our own consent. When we are consenting to everything that happens to us, when we agreed that it happens to us, that is the contrary of spam for me. What do you think about spam in your life? First of all, despite spam is being confronted to situation that we dislike, despite it comes in our life without our consent, I think it's still important that spam happens. Because if we doesn't have spam in our lives, then life will not make any sense. Et déjà, je dirais que le spam, bien que ce sont des situations qui ne nous plaisent pas, qui viennent dans nos vies, sans notre propre consentement, mais je pense que c'est aussi important que le spam nous arrive. Car si la vie n'avait pas de spam, je dirais que la vie n'aurait pas de sens. Dans la vie, il y a toujours le haut et le bas. C'est ça l'importance du spam, en fait, dans la vie, parce que ça nous aide aussi à ne pas être fainéants. Comme moi, par rapport au spam de mon travail, mon spam m'a permis d'aller jusqu'à la racine, jusqu'au fin fond. Je pars du village pour fournir mes recherches et j'ai trouvé des choses tellement importantes. Et ça, c'est grâce au spam. Quand je dis que le spam, c'est vrai, c'est bien, mais... This is the importance of spam in life, because it helps us to not being ephemeral. For example, there is a spam in the work. I mean, My spam allows me to go deeply into the roots, to go deeply in my village, to make some researches. And I found so much important things. And this is thanks to spam. And when I said spam is good or spam is true, it's not good, but it is still interesting. I still think that life without spam have no sense. So now, how can we start a life with less spam? It's clearly impossible. Life will be always full of spam, and spam will always be part of our lives and will always be part of our daily experience. Je dirais que la vie sans le spam n'aura pas de sens, en fait. Comment pourrions-nous commencer une vie moins spam maintenant? C'est carrément impossible. La vie sera toujours remplie de spam. Et le spam fera toujours partie de nos vies. Sera toujours notre expérience de tous les jours, quoi, si je peux me le faire. Minus Spam Minus, with the participation of... Je pense sincèrement à tous nos amis du monde entier, artistes ou non artistes, activistes ou non, mais juste tout être humain. Quand tu fais le choix, tu as même le courage de vivre ce choix-là. Sarandele. Je dirais que le spam, c'est l'inévitable. Gina Daya. Pour moi, les SIDA est un grand spam. As part of Africa Diva Collective. Claire Sayre. Spam. Abir Tawakalna. And I have to be so serious, but I started to laugh. Patti Sayuri. I don't know, maybe you can receive some spam that can be useful somehow. Bea Otmani. Can a spam be cute? Ali Nico and Love, as part of Kutra Pop Feminist Magazine. A less spam life. Spammed, like with less spam. Ah, okay. Gustavo Mendes. Mania plus yes. Maria Karpushina. He'll send you a message. Henrik Niratschke. I don't know, I did like research about that. As part of Research and Waves Group. I think this is all Chandra Kiran. Decrease the spamming in our day-to-day life. Özge Akçıkol and Seçil Yersel as part of Oda Projesi Group. Heidi Salaveri. I love what you just said. The joke was funny. I read this paper of you and it really meant something. Alexandru Udrea. Rush. Tic-tac. Tina Clate. Daily life becomes actually... a spam. Simona Constantin. Yeah, and I don't know what's the solution for this, to be honest, because the internet is so broad and the way each of us interacts with it is, I think, very different. It's just all of these things that don't want to be destroyed. Cristina Bogdan. The biggest spam. Mriganka Madukaila. Spam is also, in one sense, the trace, also the digital trace of Sebastian Gerstengarb. This is making total sense. Alexander the spam, the ham, the problematic processed food somehow is still rumoring inside of these email messages and everything else that we now learn to name spam. Schnelle musikalische Hilfe. No, I like these spams, I like them. No, I like these spams, I like. Translation by Clara Brandt and Elsa Westreicher. I also want to share my... Minus, spam, minus. A collection of voices put together by Yasmina and Ralph. Minus spam minus. Spam in my life is people. It's a response much. Invitation with a non-linear approach documentary. We created a circular audio collage with voices and audio accounts for world-spread friends and collaborators, talking and thinking about how to deal with daily life disturbances. The result of getting in touch, trying a very focused communication moment with people, is collected now and collectively imagined in this form. Us, Yasmina and Ralph, are asking everyone and themselves, how can life minus spam be? How could a life without spam look like? and many similar questions. Spam time. Je me auto spam proper spam mon proper spam. Spam time. Spam time. Spam proper time. Spam mon proper spam. See photos. Silas, your area. What would happen to your family if you died today? Get an advantage forever. Other men with this 30 cents boner brew. Easily gentle your own free electory. Secret revealed. Get 2.5 in 90 seconds. Solar power your home. Check your medicine cabinet immediately for this deadly poison. Discount dental implants in your area. Controlling blood sugar, natural. Eliminate wrinkles forever. Anti-discovery found. Trump relieves groundbreaking secrets to triple in your income. Child predator alert in your area. Trump release crown secret in triple your income. For gold stars, for best belly buster, wink. Three messages are waiting for you. Order today.